En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 11 de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, JF Mallette. Et votre animateur, le numéro 115. Fais se prendre une gorgée de bière, JF Cron. Toujours un excellent timing, comme ça, au début du show, Dave. Va pas une gorgée. C'est le temps pendant qu'il fait une gorgée. C'est parce qu'il disait comme tellement vite, on dirait, c'est comme pas l'hésitant de boire. Il fallait que je me rince le gosier pour pouvoir... La semaine passée, la dernière, pas la semaine passée, mais l'autre semaine d'avant, j'étais à tête. Quand même, ouais, quand okay. même. On va te le laisser passer. Je l'ai goûté. J'étais tête en crise. La soirée du podcast. J'étais plus tête qu'une école hier. T'es prêt pour le hein? Je suis prêt pour le pool. On n'est pas rendu. T'es pas sur Facebook. Non, Chris, Facebook du pool. Okay. Non, mais il faut accueillir les nouveaux auditeurs quand même de façon convenable. Nous sommes une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle avec passion et boisson, bien sûr. Oui, des toujours, sujets hein. chauds couverts par des gauchos. Oui. Semaine après semaine, comme on ça. On n'est pas chaud encore, mais. Ça s'en vient. En troisième période, ça on a de la bonne Laurentide au froid qui s'en vient en plus. Là, hey, une bonne vieille Laurentide. Ouais, on va dire nos commentaires. Ouais, on va aller en prendre. Brought faire, back from 86. 86, on va aller faire l'avant-match. Je suis content d'en parler aussi. Il est content de parler de la Laurentide. Ouais. Ah ben Michel est content. Ouais, il aime ça la Laurentide, Michel. Il y a l'air d'un gars qui buvait de la Laurentide. Ouais. Dans le temps, la O'Keefe. Une bière de riz. Quoi. Il y a une bière de riz? C'était une bière de riz. La O'Keefe, ça faisait tellement... Il parle de la ramener. Même. La O'Keefe? Et tout. Ah ouais, c'est bon, la O'Keefe. Sauf que ça donnait des mots de vente. Je sais pas, j'ai jamais bien bu. C'est de l'excellent contenu. Moi non plus, mais quelques fois. Parce qu'elle est pas mal à la fin quand j'ai commencé à boire. Moi tout. Une bonne, vas-y, Jeff, quoi qu'on parle. On veut avoir les positions du pool. On veut les positions du pool. Donc, les positions du pool. Alors, en numéro 5e position, Dominique Séparin. Attends une minute, commençons en 6e. Non. 5e position. On verra. Dominique Séparin, puis je parle pas de ses parents, c'est vraiment Dominique. C'est pas Dominique et ses parents. Non, c'est ça. Combien de fois il a dû se faire faire cette joke-là? Je sais pas. Ben, il n'y a pas mettre une C dans son nom. Dominique Séparin. C'est. Mais comment ça s'appelle? C'est-tu Dominique avec un C? C'est dit. Dominique avec un C. C. C. Fait que Dominique avec un C, ses parents. Ouais. Oh. Nice. On te Dominique avec un C, c'est ses parents. C'est un beau nom, c'est intéressant. Hey, on vient de passer 5 minutes sur Dominique ses parents. J'espère qu'il va gagner. En 4e position, Chris Caro, il faudrait que tu remontes. Caroline Langlois. Elle a des plumes. Faut qu'elle. On veut sauver sur le shipping. It's all on you, man. En 3e position. Le tricheur, ouais. celui qui a créé le pot. Ouais. Qu'on pense qu'il modifie les règlements. JF Mallette. Ben non, on va quand même le féliciter. Même là, moi, j'étais un gars de fou. J'espère que tu vas me féliciter. T'as monté le dernier. Hey, Mallette, toi, tu m'as-tu félicité quand j'étais dans le top, esti? À toutes les fois. Ben, c'est aussi menteur. T'es aussi menteur que t'es tricheur. À toutes les fois, man. Je te faisais des clins d'œil de loin. Ah, Chris, à son truc quand il partait. Ouais, c'est ça. Hey, c'est beau. I'm gonna get you. En 2e position, Alexandre Girard. Et en 1e position, Yann Dupuis. OK. c'est okay. Et pour ce qui est des autres positions du pool pour les gars de la soirée du podcast. Ah, non. Non, on lui dit pas. Non, en 7e position. you, man. En 6e position, Alex Galipo. Oh, en 7e position. Je te permets de regarder mon alignement sur moi-même. Ah, t'as descendu. J'ai descendu, mais tu sais, je me mets. Un point, moi. Mais tiens, pas mal. Les deux, on suit. Ouais, on suit pas mal. Ouais, qu'est-ce que vous êtes arrivé ici? Après ça, Jeff Chrome, 14e. Ah, j'ai perdu une position. Après ça. 41, Marc Véro. C'est l'Avéro qui est dans le. Puis Alex Cron, ben on n'en parle même pas, 48e. Tu vois, il vient plus au podcast, puis à cause de ça, ben, il descend dans le pool. Le 2e numéro de Guillaume Latendresse. C'est le numéro que tout le monde se colle. Yeah, c'est ça. C'est comme la déchéance de sa carrière. Ben, c'est la même affaire pour ton frère. Ben c'est, voilà. Il est en déchéance. Dans sa carrière. En ce moment, c'est comme s'il jouait dans la KHL. Et puis même. Quand il va avoir corrigé son attitude, on ira le rechercher pour un peu plus cher. Là. Ouais, mais j'espère qu'il va avoir changé de numéro. Ouais. Fait que, juste une petite blague comme ça, une affaire que j'ai vu passer sur Facebook, il va y avoir un événement au Igloo Fest le 11 et le 18 février, l'événement Slapshot. Really? Fait qu'ils vont diffuser Slapshot. Slapshot. Slapshot. Slapshot. En français ou en anglais? En français québécois. Ooh. Et le goaler qui joue dedans va être là comme invité spécial, Denis Gauthier. Ah. C'est ça? Non, ouais, je sais pas, man. Chris, en tout cas, ils vont. Ils... Fuck. Je me rappelle pas Bernard Gauthier, pas Rambo. Non, pas Rambo, vraiment, le goaler dans Slapshot. Puis j'ai lu qu'elle allait avoir des shooters Slapshot, puis qu'elle allait avoir un bar complet. Va-t-il avoir des Probert? Non, mais il y a un bar. C'est marqué un bar complet avec tout sauf de l'hostie de root beer. Fait que ça, c'est bien. Ah, c'est fait que je pense que le c'est deux samedis. Le 11, c'est à 4h30, je pense. Puis le 18, c'est à 7h. Ouais, c'est ça. Les 18, c'est mais ça m'intéresse. Ça se peut que j'y aille. C'est des samedis. C'est le 11 et le 18. Le 11, février. Je peux pas, mais le 18, on paye. Le 18, c'est ça. Je pense que c'est à 7, 7h30. Écoute, c'était une coupe de bière dehors au Goofest avec Chris Lachat. Mets ça à l'agenda, là. Tu sais, au pire, on part après 45 minutes parce que la fin, c'est de la calice de merde. Ouais, c'est ça. T'écoutes jusqu'à temps qu'ils disent la route beer. Putain. Fait que si jamais. Train me right fucking now. On s'en parlera, mais si jamais c'est quelque chose qui se produit, on fera un genre d'événement public. On dira, hey, venez prendre une bière avec nous autres à la soirée du podcast. Puis on va aller crasher Slapshot au Igloo Fest. On va aller finir ça à Arcane Montréal. Eh oui, toujours. Il faut toujours finir. Tradition. Toujours important de bien se finir à Arcane Montréal. On le finit à Arcane Montréal. Ou on se finit à Arcane Montréal. On se finit à Arcane Montréal. Fait que c'est tout. Je sais pas si vous avez des affaires à parler avant. C'est intéressant. Les promos du Igloo Fest. Ouais, ils m'ont pas payé pour ça, je l'ai juste vu, je trouvais ça intéressant. Fait que ça fitait dans nos cordes. Fait qu'on va les faire. Vraiment très, très. C'est comme une passe à la palette au Igloo Fest. On va les faire la première période. En faire une passe à la palette. Ils sont mieux. Ou les autres vont faire des passes à l'aveugle. Oh. Fait qu'on va la première période. C'est juste quatre fois qu'elle essaie de le dire. Détail. Détail. Fait qu'un petit résumé des matchs entre les deux podcasts. On n'est pas dans une bonne passe, là. Ben, dans une passe, c'est moyen. Tu sais, je regarde une, deux, trois. C'est FNAF. C'est trois victoires, quatre défaites quand même. C'est moyen. Fait que le 7 janvier contre Toronto, une victoire de 5-3. Price dans les nets. C'est bon, ça, ce game-là. Ouais, ouais, ouais, c'est bien bon. Après ça, contre Washington, défaite de 4-1. Price dans les nets encore une fois. 11 janvier contre Winnipeg. Contre Winnipeg, une victoire de 7-4. Ils font du pegging. 7-4 avec Montoya dans les nets. Ouais, ça, c'était une game dégueulasse. Ouais, effectivement. Non, mais c'était pas du bon hockey, mais. C'était pas du bon hockey, mais c'était. Non, mais c'était le fun. C'était le fun, mais c'était beaucoup de buts. Mais l'autre game aussi, il y avait des buts, l'autre game d'après, mais c'était pas le fun. Ouais, contre Minnesota, une défaite de 7-1 avec Price dans les nets. Là, qui le monde nous a sauvés, s'est man. Fait défoncer. Qui a sauvé l'honneur. Ben, ouais, faut bien qu'il y encore. Lui, il est juste bon dans la défaite. Non, c'est vrai. Puis même encore. C'est vrai. Contre Pittsburgh, c'est encore notre bon joueur. Mais, c'est dans ce game-là que Price, fallait qu'il se prouve contre Dobnik d'avoir fait le bon choix. Mais ça, c'est ridicule. Non, mais c'est comme, c'est ridicule, mais le monde dit, c'est comme un débat qui existe. C'est comme les médias disent ça. Mais là, il faut qu'il joue contre Minnesota pour pouvoir qu'il est meilleur que Dobnik. Non, mais ça n'a pas rapport. On s'en tord. Dobnik est comme, genre, il goal sa tête, Asti. Là. Il est dans une Asti de bonne période. Là. Ouais. C'est lui qui va gagner le Vezina d'après moi. Probablement. Peut-être le Hart. Oh, d'après moi, ça, ben, il est meilleur. Il a des meilleurs stats, je pense, que Colby. Right? Ah, c'est pas mal serré. Colby a plus de victoires. Ouais, mais il joue dans l'Est. Là. Ça, ouais, la compétition est moins forte un peu. Je pense pas que les journalistes checkent ça quand ils votent. Là. On s'en colle. Après ça, contre les New York Rangers, une victoire de 5-4 avec Price Dainet. Ouais, ça c'était une game, game cousu. Ouais. Ouais, ben, j'ai manqué à la fin. Avec ça, c'est la game contre les Rangers. Les la game Rangers. Avec le genre de but weird de Rick Nash. Là. Ouais, ouais, ça. On va le voir tantôt en deuxième. Ça, ça aurait dû finir 5-2 pour nous autres. Mets ton micro devant ta bouche, Jeff. On va ça aurait dû finir 5-2. Et voilà. Toujours y apprendre. On a tout manqué à la game. Pas besoin de parler plus fort, juste à mettre le micro dans ta bouche. Je voulais faire un point. Il replace le micro puis il parle plus fort en plus. Tabarnak! C'est des petits micros cheap, ça. Faut que tu parles vraiment dedans, sinon. Sinon, ça marche pas. C'est pas des micros à 25$ du tout. Ensuite, on a joué contre Détroit, une défaite de 1-0 avec Price dans les nets. Ça, man, c'est le pire match. Donne-nous de la bullshit. Si, ouais. Ça, là, il y a une chance, c'était l'après-midi. Une game d'après-midi. Ouais, t'es comme, on travaille. Même à la radio, t'es comme. Je travaillais et je trouvais ça plus intéressant de travailler avec ce game-là. C'était terrible. C'était dégueulasse. Puis 18 janvier contre. Oh, j'ai vraiment piqué. 18 janvier contre Pittsburgh, défaite de 4-1, Price dans les nets encore une fois. Ça, on s'est fait déclasser. Bah ouais, man. Fait que là, c'est le temps. On va y aller. On va faire nos plus et nos moins. Hein. Oh, commençons avec du positif. Là. Du positif. Il va falloir en trouver malgré tout. Sacrement, man. Moi, sérieux, les plus, là, j'hésite. Là. Ben là, moi, je suis pas venu au dernier podcast. Fait que moi, en plus, je vais donner à Philippe Dano. Oh! Dino? Ouais. Ben, dernier, il meurt que lui, pardon. Excuse-moi, j'ai encore dit Taïen. Je m'excuse, ça sort du sol. Je le sais. Mais, ouais. Je m'excuse aux fans qui pensent que je suis rough sur GF. C'est pas grave, je peux pas m'entraîner, quand on lit ça. Vous voyez, ça sort du sol. Je l'hérite. Écoute. Mais non, mais il est pas meilleur que Dernay. C'est le futur Plecanet, ça, Dernay. En meilleur, en plus, pendant les bonnes années. Mais je vais donner à lui. Parce que moi, j'étais pas là dans les podcasts. Il est pas rendu au niveau encore de. Ben, ça va être notre centre de 3 au 2e trio, man. 3. 3, là, j'espère 3. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas un vrai 2, ça va être notre 2. Mais il a fait la job en crise sur le premier trio. Ah ouais. Faut lui donner ça pour le vrai. De toute façon, s'il est bon en série, déjà, il va être meilleur que Plecky dans ses bonnes années. Ouais, mais Plecky, les bonnes années, il était pourri. Il a bien joué. En playoff, c'était pas le plus impressionnant. Il a tout non, ok, en mais dans la saison, t'as bon. C'est ça. Il a quand même rendu des bons services aux Canadiens Plecanet. On se l'enlèvera pas. Il a aidé l'équipe à se rendre. Ah non, on se l'enlèvera pas. Tu sais, ça, c'est l'année que, tu sais, au début, on le payait pas beaucoup. Y a-tu du son, là? Hein? Y a-tu du son, là? Oh, y a quelqu'un qui nous écoute, fait qu'il y a du son. Dis-nous-les si ça joue pas, là. Ouais. Dis-nous-les, là. Marque un commentaire. Mais c'est pour ça que j'allais voir. En tout cas, c'est mon plus. Moi, c'est Dano. J'étais pas dans les podcasts, je le donne encore à lui. Puis... Bon. Parce que pour le vrai, il a plus donné le podcast. Y a-tu quelque chose qui est bien allé, là? Philippe Dano. Non. Je le donne à Dano. Philippe Dano. Ben, je vois là que mon chum Alex. Moi aussi, c'est Dano. On dirait une pub de PR du Canadien entre Pacioretty et Souban. On sait, mon chum. Ouais, c'est ça. Là, c'est... Dano, là, la game de New York, là, ça n'aurait pas été du but refusé. Là. Il aurait fait une game de 4 points. Il était incroyable contre New York. Mon gars. Il n'aurait pas un but. Ouais, il fait une bonne job, Chris. Il a saisi sa chance, comme on dit. Ouais. Ça, c'est des belles paroles, mon GF. Ouais. Ben, c'était mon plus, moi aussi, mais j'avais comme pas de choix, là. Mais j'en avais un autre en backup. Je vais le donner à un défenseur qui joue quand même pas mal de minutes puis qui est pas souvent sur la glace pour les buts, Emeline. Bon, ouais. Tu parles à Mart, en est, ça? Non, pas vraiment. Mais il y aurait les Conan. Je donne à Emeline parce ouais, que... Conan, ouais, mais les dernières games des deux rires... Ouais, mais personne n'a joué dans les games. Mais non, mais on parle de... Mais j'avoue, moi je donne à les Conan. Je veux dire, depuis la dernière game, le dernier podcast, là, les Conan n'a pas été tout feu, tout flamme. Non, mais il est pas mauvais. Il a scoré, je pense, 3 buts dans sa séquence en 2 semaines, ce qui est déjà beaucoup parmi plusieurs joueurs. Pour de vrai, il joue bien. À part la dernière game contre Pittsburgh, que moi, non, là, je donnerais moins, mais... En l'ensemble, depuis 2 semaines, je trouve qu'il a bien joué. Ouais. Ben, c'est mon correct. Là. Il va peut-être marquer 20 buts cette année. Mes choix, c'était genre Byron, Dano ou Yimlin. Byron a ralenti puis sa blessure. Ouais, mais il est quand même. Yimlin est steady. Quand même. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que genre, aussi, cette année, là, Yimlin, il est pas up, il est pas down, il est stable. Il connaît une de ses meilleures saisons. Il fait ce qu'il faut qu'il fasse. Byron? Non, Byron aussi, mais Emeline. Ben oui, Byron. Ben c'est parfait, ça, pour le vendre après. Paul Byron. Mais je pense pas, en tout cas, je veux pas rentrer là-dedans. Parce que là, je le vendrai plus parce que bon lieu de la merde. Ah, c'est ça. J'en pense pas. Dano, là, moi aussi, c'était ça que je voulais choisir. Fait que, on l'aime bien, Dano. Il y a un consensus. On a le consensus. C'est dur de faire des choix présentement en offense, là. Ben, il n'y a pas tant de choix. Les Conan, ça aurait été peut-être à considérer. Est-ce que je trouve qu'il a fait quelque chose? Honnêtement, je n'y ai pas pensé. Petri, pas super à défense, mais non, ça. Non, il y a des... J'ai des boutons. Ça, c'est mon moins. Vas-y, mon moins, c'est le duo. C'est lui puis Beaulieu. Holy fucking God. On est pareil. Sortez votre tête de votre cul, man. Pour le réveillez-vous, man. Ah, c'est le pire. Pour le pas capable. Asseoir et jouer ensemble, ils sont bien mieux. Ils n'étaient pas supposés de les changer. Ah, non, ils sont venus ensemble. Asseoir et jouer ensemble, ils sont bien mieux. C'est supposé être les gars jouer, qui patinent le mieux dans les 6 défenseurs. Là. Hey, c'est deux. Pour le Petru, je l'aime bien. Puis juste, on dirait qu'il n'est pas. Mais c'est sa première mauvaise séquence avec le CH. Il a ralenti depuis que Markov est blessé. Il y a du monde qui disent que. Ben, honnêtement, Markov manque au club en crise présentement. On se rend compte qu'on a besoin plus de Markov qu'on le pense. Ben oui, les deux ensemble, ils sont mauvais, là. Petri tout prend les mauvaises décisions, passe ratée, perd la puck, des acides décisions de cave, mais les deux ensemble, c'est ridicule, là. C'est mauvais. Fait que toi aussi, fait moi, je le donne au duo. Moi, c'est pareil. T'sais, Beaulieu, je le trouve pas qu'il est hockey smart la relance. Là. Moi, j'ai donné mon plus la dernière fois, mais j'ai dit offensivement parlant parce qu'il avait connu une bonne séquence offensivement. Oui, pendant un bout, j'aurais donné mon plus. C'est juste que défensivement, Chris, on dirait que c'est pas où se mettre, tabarnak. Non, il est vraiment, c'est ridicule. Puis l'affaire qui me ferait le plus là-dedans, là, puis j'en profite pour lancer une tomate, là. Andrew Beckshire, là, il a dit que le meilleur joueur du Canadien de Montréal cette année, là, c'était Jeff Petrie, puis en deuxième, c'était Nathan Beaulieu. Mm. Fait que c'est non seulement tu as gagné un concours pour être où ce que tu es rendu là, mais tu devrais apprendre à te fermer la gueule. Ouais, vraiment, c'est ridicule. Mais moi, ça faisait partie d'une de mes mentions déshonorables de Beaulieu. Il est moins 7 dans les dernières deux semaines. Moins 9, ah, je dis, ça dire. Aucun, non, il est moins 7, j'ai checké tantôt. Aucun bon sens. Moi, je dirais dans la presse. Je l'ai checké tantôt, puis depuis la game de contre Toronto, j'ai calculé moins 7. Non, c'est pathétique. Je parle pas total, là. Je parle depuis la game. Tu joues avec Ray. Ah, les deux games. C'est quand les 9 derniers games. Ce gars-là, on l'a essayé avec Weber, ça n'a pas marché. Non. On l'a essayé avec Petrie, ça n'a pas marché. Toutes des gros défenseurs. On met avec Redman, ça ne marche pas. À un moment donné, là, il y a une bonne séquence. Quand Markov il est parti, il s'est blessé. Au début, il y avait une bonne séquence. Après ça, c'est revenu tout croche. Ben, c'est pour ça Petrie, ils disent que c'est un gars de routine. Fait que paraît que sa routine est tout fuckée. À cause de Beaulieu, parce qu'il est instable. Non, mais il ne peut pas pratiquer. Il ne peut pas s'entraîner à cause de la fameuse semaine de congé. Puis tout. Que ouais, là, puis l'horaire est bizarre. Ça ouais, fait qu'il paraît que lui, genre, ça le fuck bien raide. Bon, mais tu sais, c'est des excuses. Ça. Get over it. Mais d'après moi, juste à cause de ça, là, j'ai comme l'impression que Bergevin, s'il va faire un move sa fin de l'année, il va chercher un autre défenseur. Ouais, mais il faut échanger. Il n'y aura pas le choix. Ben tu non, peux pas changer une équipe. Ça dépend si tu vas chercher un défenseur de location. Ben, ouais, il y a 17 semaines, on a trouvé avec Chris Nyland là, que s'il cherche un défenseur qui est capable de bouger à rondelle, ça veut dire qu'il n'y a aucunement confiance en Beaulieu. Ouais, mais tu peux pas le changer. C'est parce qu'il marche par séquence, puis en défensive, il est pas stable, man, ce gars. Ben, en fait, non, c'est pas qu'il est pas stable, il est poche. Hey, il soque en défensive. La seule place que j'échangerais Nate, là, ce serait aux Oilers. Il fêterait avec leur système. Ouais, non, mais parce que là, peut-être qu'ils voudraient se revenger parce qu'on a pris Petrie. Ça serait peut-être la seule équipe que je verrais qui prendrait Nate Beaulieu. Puis que nous autres, on pourrait avoir, genre, le petit Nougat. Le petit Nougat. Le Nougat Hopkins. Le Nougat avec le cancer d'Hopkins. Je sais pas, l'affaire que j'aime pas de ce gars-là, c'est son contrat. Je sais, mais 6 c'est 6 millions ça. Pour encore, je crois, mais c'est juste ça qui est sur le marché. Le Nougat Hopkins. Wow. Fait que, les Beaulieu, pour moi, ça ne durera pas longtemps. Mais c'est soit lui ou Emeline qui s'en va. Mais là, ça veut dire qu'on garde Markov un an de plus. Ben, ça va dépendre parce que dans le fond, de toute façon, je pense que ça dépend pour Markov combien tu le signes. Markov? Ouais. Mais tu le sais qu'à l'année, Markov. Tu le sais pas cher, va coûter 4-5 millions. Puis ouais, puis moi j'irais, mettons, comme il y a guerre. Un contrat à la fois. Ah ouais, un an, deux ans. Markov ici. Oui, Chris, il est rendu quoi, 37 ans? Ben, je sais pas, mais il va vouloir finir avec le Canadien. Son agent, c'est Sergei Berezin, il faut faire attention. C'est pas Alexander Perezogin. Non, c'est Sergei Berezin. Rendu où, lui, ici? Le gars qui a scoré le 10 millième but là, du Canadien de Montréal. Au sein, non? Pourquoi faire attention à lui? C'est son agent. Pourquoi faire attention à cet agent-là? Un agent, il va vouloir avoir plus d'années, plus d'argent. Il y a une réalité qu'il n'y a pas l'autre équipe qui va être donnée. Sa carrière achève, là, il va vouloir finir avec le Canadien, j'ai l'impression. Tant qu'à ça, il va avoir 39 cette année. Il va avoir 39 cette année. Il est 38. Il va négocier. Puis ça, il y a beaucoup de joueurs qui préfèrent chercher des contrats pour avoir plus de stabilité. Puis, Son âge, il est sur le bord de la retraite. Un an à fouet. Il va avoir 40 ans l'année prochaine. Il va signer contrat à long terme, justement. Dans la prochaine saison. 40 ans la prochaine saison. Non, parce que c'est au mois de décembre. Il vient d'avoir sa fête. 38. OK. Il a un petit party. Bon. Il reste encore 2 ans avant de... Moi, mon moins, c'est... Jeff, l'as-tu dit? J'ai continué sur la lignée de... T'as dit que c'était Petrie, là? Petrie, puis Beaulieu. Ah, excuse. Hey, moi, mon moins... Deux fois. Ton moins? C'est à contre-cœur, un peu. Je le donne à Price. Non, il n'y a pas de bonne séquence. Je vais t'expliquer pourquoi je le donne à Price. T'as pas le droit. Il a accordé. Attends, là. Il a accordé. En deuxième, Jeff le défendra, Price. Il a accordé. J'ai justement une stat pour toi, vu que t'as ton téléphone comme ça. Attends. Il est victime des mauvais jeux défensifs devant lui. Mais il n'a pas sauvé de game. Ça fait un crise de bout. Il a accordé 23 buts à ses 6 dernières games. Dans l'ordre, depuis samedi 7 janvier, il a donné 3, 4, 7, 4. 1, puis 4 buts, ça donne une moyenne de 3,83 buts alloués par game. Qu'on sait, puis un pourcentage de 89. De 871. C'est vraiment ordinaire, là. Ah, il est vraiment... Avec les stats qu'il y a présentement. Mais on vient de... Attends, il n'est pas d'une bonne séquence, pas en tout. Puis... La défense non plus, par contre. Non, mais c'est... Mais non, mais c'est pour ça que... Mais tu sais, je veux dire, présentement, Price, là, il ne sauve pas de game aux Canadiens. Il ne donne rien... Il donne pas de chance de gagner au non, Canadien. Non, mais là, non, il n'est pas le prize des beaux jours. C'est pas le prize qui donne. Oh, est-ce qu'il est mais pas j'aime la c'est pas le prize qui donne des. Est-ce que je peux parler? Ouais, Jim, vas-y. C'est trop facile de bomber Price. C'est sûr, toi, tu vas juste faire défendre Price. Mais par contre, je vais te parler de quelque chose parce qu'un goaler, il peut pas toujours faire des miracles puis il doit te connaître une mauvaise séquence. D'accord. T'as pas compris mon point en partant que j'ai dit. C'est justement là que je vais en venir, OK? Price à 5 contre 5, là, tu le trouves-tu bon? Ben oui! Parce que moi, je veux ton sel. Price à 5 contre 5, là, tu dis quoi, sa moindre efficacité? Ça, ça veut dire le nombre d'arrêts qu'il fait sur le nombre de shots qu'il reçoit. T'es-tu en train d'expliquer c'est quoi sa statistique? Bon, non, mais, non, mais c'est pour le vrai, ça a un petit peu d'impact parce que... Non, mais vas-y, mais dis les 936. 936, c'est excellent. Fait qu'on sait qu'on... En désavantage numérique, on est pourri. On est 23e dans la ligue. C'est ouais, quoi c'est sa moindre efficacité en désavantage numérique? 854. Il est où le problème, tu penses? Le problème, ouais, il est ici, je pense. Tous les buts, ils n'ont pas accordé en désavantage, là. Il y en a beaucoup plus en désavantages. Je comprends, mais tu sais, c'est joué avec les chiffres. 954, c'est pas joué avec les chiffres. Mais ben oui, mais c'est vrai qu'à 5 contre 5, il est bon. À 5 contre 5, il est bon, mais je veux dire, avant, là, même en désavantages, il torchait des culs. Fait que c'est quoi la différence? Non, mais veux pas, GF. La différence, c'est que nous, on joue moins bien en désavantages. Ouais, mais attends, on joue moins bien ou Price était meilleur avant? On joue beaucoup moins bien. Puis même des images à te montrer. Comment tu peux prouver la différence? Ouais, ça en deuxième, par exemple. En deuxième période, je vais t'expliquer une coupe d'affaires, tu vas comprendre. Ouais, mais GF veut pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas avec Price. Tu vas me dire, bon tu vas me dire que toi, il est aussi bon que d'habitude. Il peut juste connaître une mauvaise séquence. Il a le droit, il est pas comme d'habitude. Ah, il connaît une mauvaise séquence. Donc, tu viens de confirmer mon point que je parle depuis la game du 7 janvier, là, les dernières deux semaines. Là. Fait qu'il donne ça au moins. Pour ça, je la mauvaise séquence. Parce que je trouve qu'il n'y a pas une bonne séquence. Je me calisse que. Tu vois-tu le Price que tu es habitué de voir, toi? À 5 contre 5, là, je te dirais qu'il fait. Est-ce que tu vois, généralement parlant, dans une game, le Price que tu es habitué de voir? Arrête. Si tu es capable de me dire oui, tu es un menteur puis tu t'as triché dans le pool. Non, mais c'est parce qu'il faut que tu raises une chose. Okay? Non, et voilà. Price, là, il peut pas toujours faire des miracles. C'est extrêmement difficile pour un goaler de faire des miracles. J'en conviens. Quand ton club en avant est mal positionné. Ouais, mais j'en conviens, merde. Mais c'est parce que là, tu joues ces mots parce que moi, je te parle de. Il y a quelque chose que je vois dans ses déplacements, sont pas pareils. Il joue pas comme il joue d'habitude. Les buts qu'il accorde, honnêtement. Il est pas aussi agressif. Mais les par buts qu'il accorde, il est souvent mal positionné. Mm-hmm. Il voit pas à puck. Il se déplace pas bien. T'auras beau me dire que moi, je regarde le goaler jouer. Oui, peut-être que ses stats, il est meilleur à 5 contre 5 puis qu'il est moins bon en désavantage. Mais regarde-le jouer puis regarde ses performances. Puis moi, je trouve qu'il est pas dans sa soupe. Il goal vraiment moins bien. Il est moins stable. Mais là, il a changé de patin. Hein? Peut-être qu'il va revenir, ça. Là, il change ses culottes. Ça n'a pas rapport. Ouais, ses culottes, il faut qu'il change, mais il n'a pas essayé encore. Cool. Mais mention. C'est vrai. C'est pour vrai. Oui, le 4 février. C'est une petite mention à Jacob Delarose. Je ne comprends pas pourquoi ce gars-là, il est dans la Ligue nationale. Il est insipide, ce style-là, man. Insipide. D'après moi, c'est plus du. Comment je pourrais te dire ça en anglais? C'est du window shopping. Là. Il veut probablement le montrer aux autres clubs. Quand tu chopes de la rose, tu chopes pas fort. Je pense là, pas que ça dépend. Il y a peut-être un gars qui le voit dans sa soupe en tabarnak. Ah, mais GF, tu peux pas monter un gars et le faire jouer dans ton domaine quand t'as eu. Quand t'es sur une mauvaise séquence, tu vois que ton équipe est pas en train de se faire. Non, mais c'est parce que regarde McCarron aussi. Non, mais Jean, tu parles de McCarron. Lui et Andrighetto, là. Il est parti, mais c'était mon moins. Il a compté une coupe de. Toi, au moins. Andrighetto, il y a des choses à prouver encore, mais il a pas dit un peu ces dernières games. GF a même pas dit ça au moins encore. Je viens de le dire, c'est McCarron. Moi-même, c'est parti. Je l'ai pas aimé sur sa dernière fin de séquence qui était là. Bien des revirements, je trouvais, en défensif. Puis j'ai pas aimé. Le coup de patin, ouais, mais il fait mal. C'est normal, non? Ils sont assez avec le coup de patin. Il est grand, il est gros, mais. À un moment donné, il faudrait le garder. Lui tout, les gens. Ah, mais toi, tu parles du coup de patin qu'il a donné. Non, le coup de patin, genre. C'est le seul joueur chez As qui a enlevé un patin pour un adversaire. Non, mais c'est normal qu'un jeune. Happy Gilmore. Je vais jouer genre. Oui, oui. C'est normal qu'un jeune va jouer comme 6-7 games comme il faut, après ça, il va tanker, il va revenir. Oui, mais ça, c'est mon moins de la séquence. Mais faut que tu gardes dans l'équipe. J'ai pas dit de le renvoyer. Ben, même titre que Sherbach. Moi, je pense que Sherbach, tu l'as envoyé. Non, lui, Il était pourri après sa game contre Toronto. Il y a un problème. Je m'excuse. Lui, il était pourri. J'aime mieux donner des games à Sherbach pour y montrer un peu d'hockey. Il n'y a pas de valeur. Laisse-moi finir. J'aime mieux donner une coupe de game à Sherbach pendant que tu as des blessés que de Colissian Drighetto puis de La Rose, man, sa glace. Man, ouais, mais les gars, ils font du fortune. Plus d'expérience. Hey, man, sérieux, De La Rose, il prend des pénalités de demeurée, man. C'est un épais, ce gars-là, man. Andrighetto, moi, je parle d'Andrighetto. Andrighetto, il est moins épais. Mais je l'aime pas. Lui aussi, je le trouve insipide. Mais c'est des joueurs que je trouve qui ont. Oh, mais ils n'ont pas de place ils, avec ils les Canadiens. Ils ne fonctionnent pas avec les Canadiens. Non, ça mais ils ne seront pas là. Ça, c'est pas eux autres, mais c'est du monde qu'au moins ils peuvent... Mais c'est des gars remplaçables. Ils vont ils patchent des trous. Mais ils rampent. Oui, justement, c'est des gars remplaçables. Puis ils savent qu'ils ne joueront pas avec l'équipe. Ouais, mais pour le moment, tu le remplaces avec quoi? André Gatto, il s'en est dit que je ne joue pas avec les Canadiens. C'est écrit dans l'air. Il faut quand même qu'il joue bien. S'il fait mal à l'équipe en étant là, tu ne laisses pas ça là. On va prendre André Gatto qui fait moins mal. Il n'est pas prêt. Excusez, je vais dire. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Il n'est pas prêt à Sherbak. Je sais qu'il est pas bon prêt, mais on dirait que j'aime mieux donner, bon match préparatoire, j'aime mieux donner des games à Sherbak. Il n'est pas carré à son camp, lui, me semble. Non, il n'était pas super année, bon. Cette année, il n'était pas bon. Mais jusqu'à mec, ben, il n'est pas honnête, bon camp. Il est ordinaire aussi dans la Ligue américaine. Il a manqué une année au complet. Puis là, cette année, il faut qu'il se remette dedans. Ouais, mais en même temps, je me dis, on dirait que j'aurais. Moi, je pense parce que je parle jamais avec les Canadiens. Ouais, mais là, c'est peut-être que je parle sentimental, mais j'aime pas André Gatto. Mais j'aime vraiment pas de la rose. Là. Mais qu'est-ce que t'aimes de Sherbak? Il est jeune, puis il y a plus de potentiel que ces deux-là. Premier choix, puis qu'il faut il est jeune, puis je vois plus de potentiel que Sherbak, puis que André Gatto, puis de la rose. À chaque fois qu'il est venu sur la glace, à part la game, que compter son petit but, oui, il est bon avec le bâton. Okay, attends, juste ça. Il a joué combien de games dans la Ligue nationale? 3. Puis André Gatto, puis de la rose, ils en ont joué combien? Plus. Voyons, Chris, vous êtes-vous frenchés avant le game? Pinky swear, pognez-vous le petit doigt. Le pire, c'est que je pensais pas que ça allait dire. Plus. Pas si je le chiffre. Non, mais Chris, c'est pas grave. Seulement, en le voyant, Steve, il appartient pas dans la chaîne. T'as un mec, louez-vous une chambre. Il y a plus d'expérience dans NHL, André Gatto. Il comprend plus la game à ce niveau-là que Sherbak le comprend. Ben oui, je le sais, ça. Ce que je te dis, c'est. Mon commentaire, comme je t'ai dit, il est probablement émotif. Mais ce que je te dis, c'est que ils n'ont pas le même nombre de matchs joués dans les nationales. Fait que tu peux pas comparer non plus les joueurs. C'est pour ça que tu gardes André Gatto au lieu de Sherbak. Il y en a des fois des premiers choix que c'est de la merde. Moi, j'étais un émotif. Moi, je pense que Sherbak n'est pas si bon que ça. Je pense qu'il est overrated. Ben peut-être. Mais j'aimerais mieux le voir plus. Pourquoi là? J'aime pas André Gatto, puis j'aime pas Dollarose, il me fout. En début d'année, pendant les matchs préparatoires, il peut rester pendant les 10 premiers games, mais après ça. Hey, André Gatto puis Dollarose, ils ont eu en tabarnak leur chance. Ils y prennent pas. Ouais, mais attends, Dollarose, il a quasiment pas eu l'année passée des chances. Qui? Dollarose, je pense qu'il aime pas jouer. Hey, man, l'année passée, non, mais l'autre année d'avant, c'est pas l'autre année d'avant qu'il a joué en fin de saison, puis il a joué genre quasiment 25-30 games. C'est ça, il était bon, mais après ça, il y a comme une baisse de régime après. Il était bon. Il avait 19 ans à tabarnak quand il a été. La première année, il était bon. Il avait 19 ans. T'es correct. Il avait 19 ans. Défensivement, dis-moi pas, il était bon. Was OK. Ouais, il was OK. Ouais, mais il faisait la job défensivement. Pour un gars de 19 ans, c'était impressionnant. Excuse-moi. Oui. Il avait trouvé sa niche. Ouais, mais après ça, il avait un poste garanti. Il avait trouvé sa niche. Puis là, c'est-tu, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de jouer dans la même niche, mais tabarnak est trop petit. Ben non, bon, mais là, sa job, c'est de jouer défensif, sa quatrième ligne. Même Michel, il est pourri, man. Il pogne des astis de pénalité de 4. Ouais, mais c'est pas le seul. Tout le monde pogne des pénalités de 4 dans le club. Quel match, ça? Je me souviens pas, mais j'ai vu. T'as vu le pénalité, puis ça t'a fait. Ça compte pas les gars. Je l'ai trouvé. C'est quoi? Il n'a pas les 4 de suite, man. Il y a fucking game. Non, mais oui, c'est une game où ça allait vraiment pas bien, puis il a été pogné une pénalité. Genre vraiment de marde, là. Un accrochage. Mais on parle du passé, Carlis. Pourquoi? On va parler du futur. OK, on fait un podcast où on parle juste du futur, man. Qu'est-ce qui s'en vient pour le Canadien cette semaine? Qu'est-ce qui s'en vient pour le Canadien? Ah ouais, donc la semaine prochaine, le Canadien va gagner 8 games. Avant d'aller en drac, juste dire que la game contre Washington, Ovechkin a marqué son 544e but en carrière pour égaliser la marque de Maurice Richard. Et le mettant 29e au rang des marqueurs. Quoi? Excuse-moi. De la rose, il n'y a pas une pénalité en deux games. J'ai dit qu'il avait pogné une pénalité. J'ai dit qu'il avait pogné une pénalité de marde. Il y en a eu une. Je m'en connaisse. J'ai vu la pénalité. J'ai trouvé qu'elle me faisait chier. Oh, man. Chris Radulov prend des pénalités de merde, il accroche une tasse, il casse le bâton. Je pense que c'est un des pays qui prend des pénalités dans la zone offensive, c'est Radulov. OK, mais compare pas Radulov avec Dollarose, il joue au hockey, Calis. Pour comparer pénalités de merde, Radulov en pogne en dessous des pénalités de merde. Ça, c'est vraiment une comparaison de cul, mais en tout cas. On va aller faire une petite entracte, tout le monde. On va parler de quand t'es bon, je te pardonne tes pénalités de merde. Quand t'es pas, je te pardonne pas. Hé, j'étais en quelle position dans le pot? Je pense que t'es 29e. J'en reviendrai pas sur le sujet, je l'ai déjà dit. Ovechkin a égalé Maurice Richard au 29e rang des marqueurs. Contre le Canadien. Ça me fait chier qu'il l'ait fait au Centre Bell. Ben non, c'est la place parfaite. Ben non, mais ça me fait chier, Chris. C'est un record qui nous appartenait. Ça nous appartient plus, ça fait longtemps. Il y a tellement de monde qui ont Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est correct qu'il l'ait fait à Montréal, je trouve que c'est la bonne place. C'est bien parfait, ça. Ben, vu que c'est Ovi, c'est OK. C'est ça, il mérite. Ça aurait fait chier, ça aurait été Brad Marchand. Ouais, là, ça, c'est... Imagine s'il y avait eu toutes ses dents. Moi, je le tire après la game, c'est Brad Marchand. Je l'attends derrière. Sur ces paroles de violence, on va aller faire une attaque qu'on vive la deuxième période. On est retour pour la deuxième période. On se boit une petite Laurentide. Ouais, c'est bon. Édition limitée. Une petite Laurentide. Hey, c'est assez simple hein, comme logo. Hein. Elle est quand même pas tablette. Une barre, une barre dorée, une barre bleue. Montre-la à Jeff. Ben, j'aime ça, Moi, ça me convient comme logo, man. C'est old school, ça fait le travail. Il y a des doigts par-dessus, on le voit pas à la caméra, Dave. Ben non, mais je le montrais pas, je le regardais. Ah, ben montre-les de bord. Avec un petit coq. J'ai montré, Chris, il est Hein? C'est-tu pas... Avec le petit coq, le vert et rouge. C'est pas beau, ça. Oh, on dit que c'est beau. Ça fait c'est là au kiff que si tu mettais un doigt sur le bateau, ça faisait un éléphant. Ah, c'est écrit beer ou bière. Écoute, t'avais raison, c'était franco. Hein, ouais, c'était une bière bilingue. T'en vois dans la face. Hey. La beer Laurentide. Avec le petit coq. Fait que on est rendu en deuxième période. Ouais, les extraits audio et audio. Vas-y, par exemple, on va fermer mon micro. Non, mais avant, il y a des extraits photos, en fait. Le Jeff veut défendre Price. Pour revenir au désavantage numérique. Non, j'ai pas ça. C'est un montage avec une toune, genre. It's a montage. Avec la compagnie créole par-dessus. Genre avec une toune de Rocky ou quelque chose. Non, Jeff, vas-y. C'est ça, dans le fond. Tu veux que je mette des images ou c'est. Ben, tu es capable. Ouais, parce que il regarde la TV, lui, il est prêt. Aussi, tu veux expliquer de quoi. Ok. Ça, c'est juste pour. Ça, c'est le but d'Ovechkin. Tu fais son Gaston Therrien à soi. Non, il a pris des images Twitter. Ouais, c'est ça. C'est dans le fond, l'explication que je venais suit à ça. Ça, c'est le désavantage numérique, mon. Tu venais suivre ça. C'est quoi ça? Attends une minute, là. C'est correct. Ok. I'm nervous. On passe la tête. Cancel le podcast, on repart ça. Ok. Mallette explique. Là, après mallette en ici c'est un désavantage numérique, ok, c'est écrit en haut ici. Ah ouais, on le voit. Non, c'est pas marqué désavantage, c'est marqué power play. Moi, en tout cas, on se comprend. Bref, là il y a le triangle. Ça c'est le triangle plus un que triangle. Ouais, mais c'est parce que le problème c'est que de ce temps-ci avec le Canadien, c'est le triangle des Bermudes, Laisse-moi t'expliquer un peu aux auditeurs. C'est quoi le concept des triangles? Laisse-les aller, ça va prendre 20 minutes. En temps normal, là, c'est déjà trop long. Les deux défenseurs devraient être devant le net dans la formation du triangle, puis les attaquants alternent. Fait qu'il y a toujours un triangle qui se forme, puis un autre attaquant qui est plus comme dégagé pour pouvoir couvrir les deux gars à la pointe. Ici, jusqu'ici, tout semble bien aller. Prochaine image, on voit que, un des meilleurs passeurs de la NHL, Niklas Backstrom, à la rondelle. Plekanec, il est popé. Plekanec, c'est bien placé, arrête. Mais là, tu vas voir la prochaine séquence où ce que tout fuck. Monsieur Weber, ici, pas bien placé. Ben, il est pas si pire. Mais Byron, tabarnak, asti, qu'est-ce que tu fais à Byron, pas aller trouver ton gars? Il faut qu'il skate pour aller chercher Ovechkin dans le coin. Ça se passe vite en tabarnak, ça. Là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le temps. Là. Ils sont tous déplacés. C'est supposé être le Weber... plus rapide dans NHL. Attends une minute. Weber là-dessus, est supposé être sur 90. Le 74 est supposé checker aussi que Byron est le gars dans le milieu. Byron est supposé être sur Ovechkin. Puis Plekanec à la bonne place. Ils sont trois avancés en avant. Les trois, là, sont pas bien placés. Le triangle. Ben, le triangle en avant 19 n'est pas bien placé. Ils checkent pas les bons gars. Ils font-tu une boîte ou ils font le diamond? Fait que c'est pas un diamond, c'est un triangle plus un. La boîte ou le diamond, c'est pareil. Mm-hmm. Fait que le désavantage numérique, c'est ça depuis un crise de beau. On est à bas de 80. Un triangle plus un. Savez-vous ce que ça fait, cette équation-là? La bonne réponse est on s'en calisse. Ben, s'il s'en calisse, ça donne une mauvaise équation. Ça donne des beaux snaps. C'est parce que Byron, il a beau skater vite, mais c'est parce que vu qu'Emeline ne checkait pas son gars. Ben, le triangle était comme déplacé. Non, mais. Emelin puis Weber, ils double team le gars en avant du. Tu sais, c'est double penetration sur le 90. Fait que, non. Si Emelin ne fait pas sa job, Weber est un petit peu décalé, mais en même temps, il protège le shot d'Ovechkin, où c'est qui. Mais le gars qui joue pas bien là-dessus, c'est Emelin. Puis Byron. Parce que Byron, je vais lui donner le bénéfice du doute, parce qu'Emelin n'est pas bien placé, fait que Byron, il faut qu'il le remplace. Mais il faut que tout ça concentré. Faut que les gars suivent la. Faut concentrer, le mais s'il y en a pour un. Pour la rotation. S'il y en a qui font la rotation, t'es dans la merde. Ben, c'est ça qui est arrivé. Mais ça, c'est Emelin. Ça faut être Emelin là-dessus. Voilà, fait que c'était les... Moi, ça, je dis. Bref, c'est mon analyse. Est à chier. C'était l'extrait photo pour cette semaine. J'aime ça, on en fait une à chaque fois, ça le coûte. Ben, s'il y en a, si Jeff peut trouver du monde sur Twitter qui font des analyses. On va faire un nouveau segment, Mallette explique. Mallette explique. Non, ouais, on va appeler ça Mallette terrien. Pas une toute, lui. Si Mallette explique, c'est un bon. C'est le branding Young Media. C'est ça, c'est un très bon branding. Un produit Young Media. Oublie pas que t'es un produit. Fait qu'on y va, toi, Mallette, t'es un produit. On va y aller sur les extraits audio maintenant de Terrien. Hey, toi, Mallette, c'est pas compliqué. C'est nous autres que t'as mis au monde. J'ai des photos. Premier extrait de Terrien, c'est suite à sa 400e victoire en carrière face aux Leafs. Il va parler de ce milestone. Ouais, c'est un plateau. C'est sûr que c'est un plateau qui est intéressant pour n'importe quel entraîneur. Mais il y a des plateaux beaucoup plus élevés que tu m'en as à n'importe quel. Encore une, se parle-tu d'une gamme de ton? C'est bizarre. Qu'on veut rejoindre. Donc, mais je regarde l'ensemble de notre équipe, le match de ce soir. Là. Encore une fois, démontrer beaucoup de caractère. Il était dans un couloir. Calvaire, ouais, Chris, amène-moi un cornet. C'est à l'étranger, là. J'espère que les extraits après ça sont mieux que ça. Après ça, point de presse de Terrien après la game contre les Jets. Il va nous parler du magnifique but de Dano. Quoi? 400 victoires, là. Fait que les dénigreurs de Terrien, fermez vos yeux. Tout a été dit. Le monde sur Twitter qui, à chaque game, c'est Terrien, gros dégueulasse, décalé. Un changement. Mais là, de ce temps-ci, ils doivent être contents. Les dénigreurs, restent-ils, le Canadien est ordinaire. Mais oui, c'est, ça prend une défaite, puis ils sont tous excités. Non, c'est ça. Une défaite, puis ils capotent. Fire Terrien droit. Les fans. Après ça, pour les Jets, en même temps, tu sais, je capote pas de Terrien, mais tu sais, je veux dire, il fait la job. T'es pas bandé sur le style défensif. Moi, je l'aime. Ben, attends, un hostie de bon coach. C'est un coach qui fait le travail. C'est pas un hostie de bon coach. Moi, j'aime ça comment il joue avec ses lignes, plutôt comment il coach. Ah, ça, je peux pas te le lancer. Justement, là, dans le fond. Ça, c'est probablement un des aspects que j'aime de Terrien, c'est qu'il est capable de. Il est capable de manager quand ça va pas bien. Il peut facilement out-coacher un autre coach. Même si t'es à l'étranger, même si sur Twitter, c'est l'inverse. Toi, Alex, là, fais attention à ce que tu dis. Tu crois que te faire lancer des roches. Non, mais non, je vais me mettre devant lui. Ben, mais tabarnak! C'est bien trop lover. C'est quoi le vous êtes lover? Vous sentez le vic, ce style, là. Il y a une affaire, vu qu'on est sur le vif du sujet, là. Ça chiale pas mal. Ah, il est sur le vif, en plus. Il est très mauvais. Non, ils sont sur le vix du sujet. Ah, je pensais qu'il était Galchenyuk, sa troisième ligne, là, aujourd'hui, là. Étiez-vous d'accord ou vous étiez en désaccord? Comment? Galchenyuk, sa troisième ligne, étiez-vous d'accord ou en désaccord? Ben, d'accord. Je suis d'accord, mais j'aimerais ça checker la game, ça a-tu duré? Ben, non, pas dire ça. Ça joue en ce moment. Laisse-moi dire qu'on perd 2-0, c'est fini, ça. Non, je suis d'accord parce que je pense que présentement, Galchenyuk. Perd 2-0, c'était 1 tantôt. Je suis d'accord parce que Galchenyuk est revenu au jeu, mais il n'est pas encore dans sa game. Oui, c'est correct. Il va jouer contre des trios. Tu sais, parce que c'est pas évident de revenir au jeu puis jouer contre des meilleurs trios. Non, mais c'est pas jouer le meilleur trio. C'est juste s'il donnait moins de minutes. Sur le bord des tarifs, lui. Son micro est descendu. Non, mais c'est juste s'il donnait moins de minutes. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Il remet ça dans game shape. C'est correct. Il aurait dû faire ça. Puis Terrien l'a dit qu'il aurait dû faire ça. L'extra audio a été coupé sur le site du Canadien. Non, est-ce qu'il était trop tard? Ah, c'est le site du Canadien. Il a fait un point de presse. Puis. Terrien l'a dit, c'est ma faute, j'aurais pas dû le mettre sur le premier trio. Tu es en train de me dire que c'est contrôlé, ça? Puis, sur le site du Canadien, après ça, cette entrevue, le point de presse, ce bout-là était coupé. Ben, pour vrai? Ben là, j'ai entendu, mettons, me semble. Oui, parce que les radios l'ont tout joué, mais 10 fois sur le site du Canadien. Ils l'ont coupé. Tu peux sûrement trouver sur genre Radio Ego 99, probablement. Mais sur le site officiel, c'est too late. Parce qu'il a été honnête, il a dit c'est ma faute, puis j'aurais pas dû mettre sur le premier trio. Le troisième, par exemple, si on aurait perdu 3-0, c'est si on aurait. Si on aurait un bon Québécois. Mon frère Paulus, c'est correct, tu peux le dire. C'est ça. Fait que, on a un podcast de hockey ici. Si on aurait perdu 3-0. on dirait que c'est comme forcé en plus. C'est la règle. Ouais, il faut que je pense. Laisse-moi dire que c'est la première ligne. C'est ça. Le crash, t'as bien, vas-y, parce que là, je suis là puis je veux le voir live. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Ah! Il y a eu un petit spray. Et voilà. Je l'ai retenu. Et voilà. J'ai manqué ça la dernière fois. Fait que. Fait qu'on s'est quand même pas. Mais oui, je suis d'accord que ce soit sa troisième ligne à ce soir. Parfait. Fait qu'on vient. On vient à la conférence de presse, c'était rien de la game contre les Jets. Oui. Fait qu'il a commenté le but de Dano, mais on va le voir le but de Dano. Coast avant. To coast. Ouais, ouais, checker c'est l'écran. Goal, man. Le but de Dano est parti de du fin fond. Il mon est gars. Allé. Un chiffre, deux chiffres. Bufflin, là. Bufflin, il a eu l'air d'une couille molle, man. Là, il y a un gros Chris qui bouge pas. Un frigidaire qui bouge pas. Ça avait été une vraie couille molle, mais là, c'était un doublon de couille molle. Une couille molle. Non, mais lui, c'est deux grosses couilles. Mais c'est assez rare, tu vois, coast to coast de même. Là, ah, ouais. Ah ouais. Surtout dans le Canadien. Ouais, ah, mais c'est Jets, c'est-tu. Ouais, mais ça reste Dano et, ouais, mais... et fort là-dessus. Là. On mais le gars, là, pas défaité. Non, mais il n'y a personne qui était fort là-dessus. Je pense qu'il y a tout été essayé. C'est vraiment, là. C'est mou en Chris. Le gars, là, qu'est-ce qu'il faisait? Bufflin, Bufflin, mou. Mais Chris, tu peux pas dire mou, là. Qu'est-ce qu'il faisait? T'as mou pis t'as Bufflin après, genre. Comme... Ouais, mais ils ont tout. Lui pis gars, là, check ça. Check. Tu veux le remettre, t'as quelque chose? Mais c'est pas besoin que je dormais. Check ça, check Bufflin, ah! Mon gars. C'est quoi, c'est un poke. Il poke le goal-là et tout, se déplace. Bufflin, l'autre carré, le Bufflin, il poke en reculant. Oui, mais non. Mais, ouais, mais il poke en s'en allant à droite. Il est pas capable d'avancer. C'est comme si t'as échappé ton joystick. Il s'en va vers le coup à droite. Il poke en reculant vers la bande pendant que Dano coupe vers le centre. Ouais, c'est ça, c'est comme what the fuck. Ok, man. Puis le goal-là se déplace à gauche quand le gars tire à droite. Fait que voici les. Tout le monde a été dégueulasse sur la séquence, mais tout a bien fonctionné. Fait que voici les commentaires de Michel par rapport à ce but-là. Vas-y. T'en as vu beaucoup des beaux buts au cours de ta carrière. Celui de Dano, j'imagine que tu le places dans les plus spectaculaires. Ah ouais. What? Ah ouais. Coast to coast, là. C'est rare que ça arrive. Ça le fait d'avoir ça pour lui. C'est bon de sa confiance aussi. Joue du bon hockey, le petit gars. Est-ce qu'en plus de ce qu'il fait actuellement de très bon sur la patinoire, il gagne des points aussi pour dans le futur, dans la hiérarchie du club, pour quand tout le monde va revenir? Ben, c'est bien. Quand tu as la perte de certains joueurs, ça donne des opportunités à certains d'avoir un rôle différent et de prendre de l'expérience. Avant de saler, Michel. Effectivement, un gars comme Phil joue du bon hockey, joue avec beaucoup de confiance. Donc, faut pas oublier non plus que c'est encore un très jeune joueur. Donc, on est très content de sa progression. Ça y prendrait en permanence, le petit aspirateur. Ben, je m'en avais dit ça, mais ouais, comme ça a tes lèvres, Michel. Il y a un instant qui vient juste faire ça. Ça a tes lèvres, ça repart, il s'en va. OK, vas-y, parle. Après ça, il parle super clean, vraiment ben pas d'accent. Alors, oui, je trouve que... il parle comme Il parle comme Bernard Pivot. Non, pas Bernard Pivot, moi j'avais dans la tête. Le gars de Découverte? Ouais, comment il s'appelle? Charles Tissère. Le gars qui sont. Mais oui, le gars qui fait genre toutes les astis de voix, voice-over, des affaires de Discovery, mais en français, là. Le gars qui son frère, c'est rendu sa soeur. La mandoline cranue. La mandoline cranue. Nice. Ça serait allez voir sur Wikipédia pour la mandoline cranue. Ouais, Wikipédia, c'est bon ça. Puis dans cette conférence-là, il a fait également des commentaires sur la première moitié. Ben, veux-tu parler de Dano? Ouais, mais juste. C'est une question de journaliste, des fois, ça me donne. C'est-tu un début plus spectaculaire que t'as vu dans ta carrière? Oh ouais, c'est sûr que oui, coast to coast. Mais tu sais, quand on est, il y a Crosby, mais ouais, ça, c'est les plus beaux buts. Mais pour le reste, c'est pas un des plus beaux buts. C'est un beau but. Non, non, c'est un... C'est un beau but, mais un des plus beaux. Ce qui est beau dans le but, c'est tout le play au complet. Dans le sens que... Le gars, il est parti, genre, en arrière de son net, il a fait le tour du net, puis il est parti, puis il a passé toute la glace au complet, puis il a scoré. Mais ça me gosse. Le but en tant que tel, il est ordinaire. C'est de se rendre. Qui a traversé la glace. S'il avait été dans la zone offensive, puis il avait fait le même genre de lancer, puis il avait scoré, ça aurait été un but ordinaire. Mais parce qu'il est parti de l'autre bout, puis qu'il a monté au complet, puis qu'il a scoré, c'est un but spectaculaire. Comment il s'appelle, le gars? Faut que je donne. Le Gélina. Mais après ça, c'est quoi? Là, il va devenir notre centre numéro 1 en permanence parce qu'il va scorer un beau but. Là, il essaie de faire dire à Michel ça. Il a gagné des points. Numéro 1 permanent. Là, on vient-tu de se trouver un nouveau joueur de premier plan? Hey, moi, je serais Michel Therrien. Je serais comme bon, je vois ça. Ouais, mais bon, il ne pouvait pas dire autre chose que ben oui, c'était beau. Qu'est-ce que tu fais? Il ne va pas dire ah non. Mais en même temps, je me demande s'ils sont pas un peu comme nous autres. Ils posent des questions parce qu'ils aiment les réponses de Therrien. Oui, c'est sûr et certain. C'est Chris. Moi, j'y pose... Il m'a posé des questions la soirée du podcast. Moi, là, j'y pose. Non, mais je veux dire dans le sens. C'est le but que t'as vu. Non, mais dans le sens que moi, je suis sûr que. Moi, être journaliste, je pense que je travaillerai mes questions pour le fou en conséquence des réponses de Therrien parce que je sais qu'il va nous sortir un beau bijou de là. Là. Oui, finalement, on devrait être accrédité, on devrait demander. Poser une question. Ouais, on va y aller au Brassard au 10-30, nous autres. On va t'envoyer notre produit. Oui, mallette. Pendant que Jeff fait son changement d'huile. On va t'envoyer notre produit. Bon, je vais l'attendre au garage. Prochain extrait, c'est encore dans cette conférence-là. Il parle de la première moitié de saison de Lekkonen. On l'écoute. Pour moi, c'est un gars qui voit bien la game. Il a raison. Dernièrement, je trouve qu'il a retrouvé sa confiance au début de l'année. Il y a eu une petite pause qui s'était un petit peu plus difficile, qui est tout à fait normal pour des jeunes joueurs. On le met dans des positions. Pas prêt. Il est bien entouré, je trouve. Avec le Canadien dernièrement, puis Paul Byron. C'est un bon trio. C'est un joueur qui. Plus ça va, plus qu'il s'améliore. C'est ça qui est intéressant. Ah, c'est intéressant, un joueur qui s'améliore. C'est normal qu'un jeune fasse des erreurs, puis il faut lui donner sa chance. Mais McCarron, on le retourne tout de suite dans les mineurs. Deux poids, deux mesures. Non, mais c'est pour le vrai. Un centre de quatrième trio, tu l'as regardé. Mais ça, c'est un speech de politicien. Ben oui. C'est pour ça que ça me fait chier, McCarron, sur le parti, parce que ça a été un bon centre de 4 ans. Bon, on va sûrement leur voir les séries, d'après moi. Quelqu'un va sortir. Tout le monde est ici. Tu vas rappeler les séries. Deux, non, deux, tout le monde. Non, ben avant, vers le dernier stretch au mois de mars, admettons. GF, honnêtement, si tout le monde est en santé, tu ne leur verras pas. Ça dépend qui tu fais. Quelqu'un va se blesser. À moins que tu échanges quelqu'un. Et voilà. Pour ça, j'ai dit peut-être. Et voilà. Donc, prochain extrait. Ouais, tout aurait été dit à Josette. Bon, c'est fini. Après, tout aurait été dit à Josette. T'écoutes la soirée du podcast après. Après la défaite contre le Wild de 7 à 1, donc Price est resté dans les nets la game. Justement, il a commenté le fait que Price fait, soit resté. Fait qu'on va écouter qu'est-ce qu'il a à dire sur ça. Il a bien fait. Non, on a une discussion. Ah, là, il y en a une. Après la deuxième période, il venait à rester. Je respecte sa décision. Puis en même temps, j'ai apprécié le fait qu'il voulait rester là. Dans une situation comme ça, qui est quand même difficile pour une équipe, mais ça démontre là, qu'on souffre tout ensemble. Ouais. Gary a ses 7 derniers départs, 6 fois, il a accordé 3 buts ou plus. Est-ce qu'il y a une moindre inquiétude dans le cas de son jeu? C'est le moindre de mes soucis. Non, je voulais laisser le bout qui disent que c'est le moindre de ses soucis. Il y en a pris une. Ah, mais le lendemain, de ce game-là, là, t'avais du monde qui chiolait qu'il était resté puis qu'il l'avait pas enlevé. Puis que là, ça montrait qu'on n'avait pas de respect. Moi, je suis sûr que Price, sûr qu'il a dit qu'il voulait rester. Il a dit qu'il voulait rester. Après, en plus, la game que Montoya a accordé 10 buts. Il a dit, you know what, you did it. Je vais le faire. Parce qu'on s'entend-tu que Price, là, au stade de sa carrière, ce qui est rendu, il n'y a plus rien à prouver. Puis dans sa moyenne de buts alloués, avoir une game de 7 buts, il s'en calisse, là. Ça change pas. Mais je veux dire, ça change rien dans sa carrière, là. T'sais, il va je pense pas que c'est les stats qui pensent, c'est comme OK, en tant qu'équipe. Montoya, après 10 buts, il est resté. Après ça, you know what? C'est du coup, je vais rester. C'est pour ça que je te dis, il pense pas aux stats quand il voit ça. C'est pas l'individualiste. Mais ça a été un gros... un gros mot, j'ai sorti. Un gros scandale. t'as passé proche de le botcher. Ça se crée un... Zingdiner un peu. Ça se crée un scandale. Tabarnak. Bien plus que dans le pool. On parle des mots que ma lettre sort comme il faut. Individualiste. On parle de hockey. Et comment? Non, on parle de Price. OK, parce que là, on dirait que t'as dit individualiste. Non, c'est parce que tu parles en même temps, fait que t'as pas bien écouté ce que j'ai dit. Ah, j'ai coupé ce que t'as dit, c'est ça. C'est ça, on l'a Becherel. Dernier truc. Il reste la conférence que t'as rien donné. Qui a besoin, après la game contre les Rangers, le but weird de Rick Nash, on l'a en ce moment. Il va commenter. Fait que je vais vous montrer le but de Rick Nash en premier. C'était pas bon, Sti. On va voir qu'il se fait traîner de la patte un peu, Price. Là, à cause que sa patte... À cause que sa patte était un petit peu en dehors de la ligne rouge, c'est pour ça qu'ils l'ont accepté. Parce que sa patte n'était pas dans le crease. C'était comme intentionnel. Non. L'explication de la NHL, après c'était que vu que la patte était un petit peu en dehors de la ligne rouge, c'était accidentel, puis que le gardien était déjà en dehors de son demi-cercle. Honnêtement, quand je l'ai vu live... Et voilà live, pourquoi il est accepté. Honnêtement, quand je l'ai vu live, le contact s'est fait en dehors de la zone. Check bien. Ah, et voilà. C'est en dehors de la zone. Tu parles de règlement. Ouais, mais il était quand même sorti un peu. Quand j'ai vu le goal live, je ne le voulais pas. Si t'empêches le gars de faire sa job. Je pense qu'il aurait pu aller. Oui, je suis d'accord, mais ça, ce but-là aurait pu aller dans Dave, un sens comme ça. Le goaler sort en dehors de son cercle en arrière, puis le joueur le frappe. Moi, dans ma tête, c'est de l'obstruction. Non, le goaler joue la puck en arrière de son aile, puis tu frappes, c'est une pénalité. Là, on vient de voir la replay, vraiment au ralenti. Puis il y a la jambe complètement sortie quand l'autre commence à le tirer. Ouais, mais si le goaler joue. Il a eu le temps de se déplacer. Les gars, si le goaler va jouer la puck en arrière du net, si le goaler va jouer la puck en arrière du net et que toi, tu te colles sur le poteau, il y a deux joueurs qui vont se coller ses poteaux et tu l'empêches de retourner à son net comme il faut, c'est l'obstruction. Parce que le goaler a le droit de retourner comme il faut à son net. Il faut que tu bouges. Tu n'as pas le droit de passer en arrière du net et le plaquer. Fait que là, ça, c'est correct, mais tu n'as pas le droit de toucher quand il va jouer à puck. C'est où, là? Moi, je te propose qu'on écoute de ce que tu as rien en pense. Il n'y a pas de limite. Sont où les pointillés? Voici. Les pointillés. Mais voici ce que tu avais à dire là-dessus. Policiers, non. Premièrement, c'est sûr que aussi notre côté. Call the police! On n'était pas d'accord avec la décision. Un fucking night. C'est une game qui va vite. Une game d'émotion. C'est une game. Des fois, ça peut être des joueurs. Okay? Ça peut être des joueurs. Des difficultés lors des matchs. Ça peut être de prendre des mauvaises décisions. Ça peut être un entraîneur qui pourra prendre des fois à l'occasion de mauvaises décisions. Mais à soir, je pense que l'arbitre a pris de mauvaises décisions. Oh! Puis ensuite, la réaction de tes joueurs, tu sais. Bah, c'est il y avait tellement de. Il y avait beaucoup d'émotions. De un. Les partisans, ils ont mis une ambiance extraordinaire. De deux. Il y avait une ambiance de séries éliminatoires. Ça a donné une énergie supplémentaire, je te dirais, à nos joueurs. On a démontré beaucoup de caractère, pour venir dans ce match-là. C'est vrai. Ils ont montré beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère. Parce que ça aurait pu, mettons, une équipe qui est tout le temps en crise à cause de ça, là, puis qui n'aurait pas sur un game. Il fallait passer par-dessus. Mais ça... Mais ça a été une game, genre, qui allait comme d'un sens comme dans l'autre. Ça devrait toujours être Toronto. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait? Non. L'arbitre de sa glace avec son petit iPad là, ou sa tablette Samsung. Là, puis qui explose. Ça, quand ils font ça... Ils parlent pas tout le temps à Toronto, automatiquement. Non. Quand il y a un challenge, c'est juste pour eux autres. Puis ils décident. Ils vont pas à Toronto. Ben oui, ils devraient aller à Toronto tout le temps. Je pensais qu'il y avait à Toronto. Moi aussi, je pensais qu'il y avait. Si c'est un coach challenge, non. Mais ben ça, c'est un peu suite à cette game-là, j'ai une petite prédiction à faire. Je pense que quoi? Ça. La première équipe qu'on va affronter en première ronde, je pense que ça va être les Rangers, honnêtement. Moi, je pense pas. Parce que d'après moi, Washington, Pittsburgh. Ça va être Ottawa, Boston, Toronto. Non, parce que si Ottawa, Boston, ça veut dire qu'on finit pas en première division parce qu'on est parti. On finira pas en première division. Ben là, on a quand même un bon coussin. On finira pas. On sait jamais. Anyway. On sait jamais. You wanna bet? Bye, man. Dernier. Hey, je pense que vous avez un problème de jeu. Dernier truc avant d'aller en entraque, là, par rapport à la game contre les Rangers aussi, c'est le retour de Andrew Shaw. Puis, ok, je vais mettre la vidéo. Oh, je vais mettre l'extrait vidéo de Andrew Shaw ici, de Hit iPad d'Andrew Shaw. Là, ici. Voilà! Bang. Boom! j'ai un commentaire par rapport à il ça. Il va avoir les commentaires de Terrien après aussi, mais vas-y donc avec ton commentaire, Dave, pendant qu'on regarde la reprise. Honnêtement, là, on va le revoir. C'est ta pète qui fait qu'une petite commotion. Il n'y a pas de coup de coude sur le hit. Ouais, mais c'est un blindside hit. C'est un blindside hit, mais c'est un hit. Ça méritait-tu un inconduite? Moi, j'aurais donné un 5 minutes. Après, ça a été fait geler en revenant de la commotion. Tu donné un 5 minutes sans un inconduite? Je pense pas. Mais c'était à peu près le même jeu qu'avec Torrey Crews. Honnêtement, il s'est fait geler dans le game avant un chat. Puis, moi, là, sérieux, là, c'est ça le problème dans la Ligue nationale. C'est deux poids, deux mesures. Puis ça, c'était un hit épaule à Chess. On va le voir. Il l'a pas levé le coup. C'était late en esti, par exemple. Jesper Fast. Mais c'est vrai que Fast, il a faké en tabarnak là-dessus. Hey, là. À moins qu'il souffle coupé. Regardez. Non, il est venu après. Regardez le hit comme il faut, là, s'il vous plaît. Là. Puis c'est un beau hit. Le bras, il lève, mais il lève bien après le coup. Puis c'est normal, c'est une réaction à l'impact. Il n'est pas si en retard que ça. Non, vraiment pas de temps. Check, il est pas si blind. Mais oui, il est blind. Come on. Il n'a pas le gars, pas de chance. Il est fucking en plein open ice. C'est ça qui a l'air genre de frapper pire. C'est que c'est open ice. C'est en plein milieu de la glace. C'est pas le début, mais... Oui, le premier, c'est le premier qu'on voit mieux. Non, c'est le deuxième. Je peux on va tout ça. La période est finie. OK. Ouais, OK. Ben, pour le vrai, la passe est faite. On va le voir. Hein. Pour le vrai, là, tu joues au hockey, tu sens l'estime que la passe est faite. Il finit son check. En tout cas, moi sérieusement. Ça que... Mais ça, là, que le gars, il est en train de même, qu'il a l'air tout sonné, là, ça me fait chier un peu. C'est soit qu'il a manqué de souffle. Ça fait influencer, tu penses. Il est bien mieux d'avoir manqué de souffle. Ben oui, absolument. On l'a parce que vu, les autres, là, avec le hit, frappé, la façon qu'il revole, on dirait que c'est un elbow to the head. Parce que sinon, c'est comme un. Oui, ça a l'air d'un elbow à vitesse réelle. C'est pour ça que mais quand tu le vois, ont donné les conduites. Quand tu le vois de plusieurs angles après, tu le vois que c'est pas. Il n'y a pas d'elbow, mais pas pantoute. Il n'a même pas levé ses patins. Parce qu'on va voir que. Il a levé focal. La réaction du bras qu'il lève, c'est à cause de l'impact, c'est qu'il fait ça comme ça. C'est ça. Mais c'est un coup d'épaule, puis c'est un coup d'épaule solide, man. On va voir ce que Michel en pense. It's a good fucking check. Le match préparatoire, Andrew Shaw avait dit qu'il avait mal géré ses émotions au Centre Bell. La journée, il avait reçu sa suspension. Faut-tu qu'à son retour au jeu, c'était un petit peu la même histoire que peut-être pas bien contrôler ses émotions? Encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la décision de l'arbitre. C'est un gars qui vient de se faire arracher la tête. Puis 3 semaines de commotion, pas de 2 minutes. Puis lui, il finit sa mise en échec. Ça veut dire qu'il se calisse. Correct. Frappe le chest. 5 minutes. Et voilà, frappe le chest. Quand je vous dis, des fois, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des mauvaises soirées, mais ça fait partie encore d'une autre décision, je trouve. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement... Le gars qui a donné la commotion à Shaw, il y a eu deux minutes. Il n'y a pas eu deux minutes. Il dit que Shaw vient de trois semaines de commotion, puis le gars, il blindside, puis il n'y a pas... Il blindside pas, c'est un open... C'est un open eye shit dans le chest, il ramasse dans le chest. Le gars qui gèle Shaw avant que Shaw fasse ça. Ah, OK. Moi, je parle sur lui. Dave, je patine par en avant, je fais la passe sur le côté, puis tu me frappes ici. Pour vrai, j'ai pas eu la chance de voir. Excusez. Je démontrais avec mon bâton. Ben, qui nous écoute en vidéo. On devrait avoir une séquence air de jeu. Non, non, mais pour le reste. Dans la prochaine studio, on aura ça. T'arrives dans l'angle mort, il arrive par en arrière dans l'angle mort. La prochaine studio, on va voir ça en air de jeu. Non, non, mais. Avec des bâtons en plastique. Il arrive pas par en arrière, premièrement. Il arrive pas par en arrière. Fait qu'il arrive comme au, ici, là, sur le côté, là, comme dans une auto. Là. Dans ton angle mort. Ouais, un angle mort, c'est moi, pas en arrière. Moi, je vois côté. Pas ici. Non, ça, ouais. Bon, ben, c'est parce que t'es un peu mis up, peut-être. J'ai mis ce une coin de là. C'est ça. T'as pas de lunettes sur le côté. Ouais. Ben, c'est ça. Je vois pas ici. Bon, anyway. Il... Ben, oui, c'est ça. Il est, le... que tu patines, il est en arrière, puis quand il frappe dans le chest. Hey, man, il a volé entre les deux. Ça arrive en arrière, il fait pas de tour, le frappe en avant, calice. Ben, comment, t'exagères. Fuck. Ça reste Andrew Shaw. Fuck. Fuck. Fine. Fait qu'on va aller faire une deuxième entraque pour vivre la troisième période avec Around the NHL. On est retour pour la troisième période. Eh oui. C'est moi parti le timer, et c'est maintenant le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Yeah. Around the NHL. Le thème, le thème. Encore une fois, des sujets choisis par Jeff Mallette, un produit Young Media. On vous le rappelle. C'est okay. Important. Commotion cérébrale pour Patrick Laine suite à une mise en échec de Jake McCabe. Quel? J'ai le vidéo aussi. Ah, de ça a fucké mon pouce. Ah, ça c'était fucked up. Moi, je l'avais pas vu, j'avais vu Austin Match. Je l'ai pas. Ça s'en vient. On va le voir ici se faire. Boom! Hey, c'est un beau hit, par exemple. Ah, ouais, c'est un hit légal. Bon, c'est un hit, genre, en plein centre. Ben, il est tombé comme au ralenti, c'est comme... Mais la tête, mon gars, a tapé à terre, là. Oh. Je sais pas si c'était vrai, j'ai vu une photo le lendemain, là, puis il était comme la face toute rouge, œil au beurre. Voyons, c'est-tu? Ben, à moins qu'il ait son casque d'en face, là, mais... On va-tu un replay, là-dessus? On va le voir en replay, ouais. En slow-mo? Hey, ben, sérieux, là, ça, là, ça je suis sûr qu'il l'avait pris le gars, il tape ses fesses, good job, ouais, c'est bien fait, aussi. Fuck them up good! Ceux qui l'avaient pris dans leur pool, là, ça a fait mal. Mais le pire, c'est que c'est tellement... poche pour une première saison d'une recrue de même. Là. Et... Mais ça fait... Ah, check comment il tombe la tête. Ça tombe. Il tombe bien. Il tombe l'eau, puis la tête elle lève après. Ça, c'est pas bon signe. Ah, on va le voir. Ça, la tête qui lève après, là, c'est le réflexe. Tu sais, comme les boxeurs qui se font knocker, puis qu'après ça, ils ont la tête qui lève, puis qui frappe dans le vide. Là. Ben, il y a eu le même réflexe. Boom. Mais tu vois, ça, c'est une blessure qui fait mal à la ligue, là, aussi, de perdre juste un joueur comme lui. Une sur bonne sa recrue, glace, ça là. Fait mal, c'est-tu, ben non, mais là, lui, il tombe pas sur le cul, il tombe non, flat. Ah, ouais, flat, c'est back. Ben, imagine, tu sais, comment ça fait. C'est dur. Ben, il est pas de vrai. Ils sont quand même padés, mais c'est vraiment le coup à tête, le problème. C'est pas le coup à tête. Ça va, Nasty, que le monde s'en venait, man. Pas tant le coup. Ben, honnêtement, il y a pas le coup à tête, mais c'est vraiment le coup de game, man. Lève ta tête, le jeune. Bof fait rien. C'est Sheffley qui a sauté sur le tas. C'est plate à dire, mais ça, c'est un beau hit. Lève ta tête, le jeune. Il va apprendre. Là, c'est là. Oh, on devrait-tu interdire les hits en zone neutre? C'est le débat après. T'as rondelle, calice. Ouais. On devrait-tu interdire toutes les hits? On devrait-tu changer tout le hockey? C'est ça qui m'écoeure. Le pire, c'est que c'est même pas le hit qui est violent. C'est quand il tombe sur la glace là, qui est le problème. Ben, le hit est good. Ça fait partie du jeu. Faut-tu enlever la glace au hockey, c'est ça? En même temps, peut-être qu'il devrait faire que... Genre, ils ont inventé un saut genre pour la moto que quand tu tombes, gonflable. Genre ça fait comme un coussin gonflable d'arrêter de mettre. C'est ça ridicule. Ça s'en vient. Quand tu vois que ton cou s'en va pour snapper à terre. T'arrives pour tomber à terre, tu deviens une ballon. Le gars peut plus bouger. Ça, on peut même plus bouger. Il remplit d'hélium puis il s'envole. Il retire son chandail. Il flotte comme sur un hoverboard. On se croirait presque dans le monde, justement, dans Back to the Future 2 avec Trump en ce moment. C'est vraiment ça. It's happening. C'est soit ça, on est sur Earth 2, là, mais je sais pas. Il a un hoverboard. Tiens, petite fille, voilà ton hoverboard. J'ai un pitbull maintenant. Le gros hoverboard noir. Il y a avec des petits réacteurs en arrière qui bougent. Batteur à la frappe! OK. Deuxième sujet. Mauviette! Ovechkin aurait atteint le plateau des 1000 points et en carrière et 880 matchs. 1000 points à 880 matchs. Ouais. Ce qui est une excellente moyenne. Ouais, c'est pas meilleur. Non, c'est pas meilleur, ça, c'est sûr. On en voit de moins en moins aussi des joueurs qui vont atteindre ce niveau-là, à ce rythme-là. Le prochain, c'est Crosby. Ce qui est surprenant, le monde ne pense pas, c'est que Crosby, il a moins de points en carrière qu'Ovechkin en raison de sa blessure. Et, ouais, c'est ça, je voulais dire. Mais il a été blessé plus souvent, hein, c'est ça. C'est ça. Ah, il a été blessé plus qu'à son tour. Malheureusement. Commotion, précommotion. Mais il est revenu en force. Mais oui. Mais le problème, c'est ça, c'est que. Oui. Oui. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'une fois que tu es blessé par commotion, que commotionné. Ça peut raccourcir ta carrière, puis ça peut la mettre en danger. Là. Ça peut. Un peut-être que l'aîné, là. Il s'en remettra. Sur Pat Lafontaine. Ouais, c'est ça, tu sais. Je le souhaite pas, honnêtement. Non, moi non plus, moi non plus. C'est chien pour Winnipeg. C'est. Ouais, non, ça chien pour les pas. Fans. Oui, mais c'est légal. Non, je sais, mais c'est. Parce que c'est malheureux. Good check. C'est malheureux. Non, non, ça serait vraiment pas bon. Fait que chapeau à O. J'aurais aimé mieux Austin Matthews parce que c'est il joue à Toronto. C'est pas vrai. Je souhaite pas ça à personne. Je l'ai déjà, lui. Qui est ça? Ah, mais il est beau à voir jouer, même. Non, c'est un c'est chier. On va le voir d'en face souvent. Ah, ouais, mais c'est correct. J'aime mieux avoir. J'aime mieux ça que pas le voir jamais. Ouais, c'est ça. Il faut bien en avoir un peu dans l'est des bons joueurs de même. Là. Non? Ouais, c'est vrai, c'est juste. Faudrait qu'on... C'est à price des mais là, c'est parce qu'on a Crosby, Ovechkin, Laine, Matthews. Mais Laine, il n'est pas dans notre bord. Ah, ouais, c'est vrai. Il n'est pas dans l'Ouest. On va le voir deux fois par année, Max. Ouais. C'est vrai, j'ai oublié que les Jets, c'est sont dans l'Ouest. Je te dis. Et l'Ouest. Les choses qui arrivent. Avec Vegas. Différentes games. Vegas. Vegas. Ensuite, Vegas, ils repêchent quel rang l'année prochaine? Aucune idée. D'après, ils vont faire partie de la loterie, je m'en souviens. Ils font-tu la loterie? Sûrement. Ben oui. Fuckers. Motherfuckers. T'as une boule de ça plus. Été dit. Une boule de plus. 31 équipes. Big deal. Et voilà. Very weird. Fait qu'ensuite, le Lightning ont retiré le numéro 26 de Martin Saint-Louis. Bon, ouais. Good. Puis j'ai entendu une belle histoire. Fallait bien qu'en retire un, justement. Oh. Ouais, vas-y, que ta belle histoire, Jeff. Savez-vous, c'est qui a donné sa première chance à Tampa Bay? Oh, et c'est quoi son nom, Asti? C'est qui? Vas-y. Rick Dudley. C'est ça. Rick Dudley. Rick Dudley, il était Boba. Directeur gérant de Tampa Bay. Ça fait fuck all, ça, hein, dans la vie, parce que Rick Dudley, félicitations. Bon, ben, bravo. Ouais, mais attends, Chris, c'est ça. Je viens de te donner le titre de mon histoire, puis il reste la fin. OK, vas-y. Ah, lui, le titre est fin, c'est tout. Il a offert un contrat à 250. Je pensais que c'était comme un titre de, mettons, Journal de Montréal. On te parle de Rick Dudley, puis après ça, finalement, on finit en disant que, genre, les Coffee Crisps, c'est pas bon. Ça, c'est juste comme un vox pop. C'est Rick Dudley qui a donné sa chance. Fait que lui, il a remercié Rick Dudley aussi pour avoir eu la chance de jouer dans la NHL pour commencer. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a donné un contrat de 250 000 piastres à Martin Saint-Louis. Puis dans ce temps-là, Tampa Bay perdait énormément d'argent. Puis ils n'ont même pas voulu que Rick Dudley lui donne ce contrat-là. Ils ont dit, ben voyons, non, Chris, c'est un petit joueur de même. Là, c'est 250 000. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas. C'est ça. Puis ils trouvaient que 250 000, c'était trop cher. Fait que Rick Dudley, il a tout fait à son pouvoir pour pouvoir le convaincre. Puis il a même dit, si jamais, mettons, ça ne marche pas, mais nous autres, on va pouvoir garder le tiers du salaire, puis on va l'envoyer dans une autre équipe, on va le prêter, puis ils vont payer le deux tiers de son salaire. Ah, oh, mais quel escogriffe! Ben, c'est genre, mettons, c'est quelque chose qui ne marcherait pas, là. Fait que, chapeau à Martin Saint-Louis, qu'il s'est battu à fond, puis c'est Calgary, en plus. Calgary! Ils s'en sont débarrassés. Il était à Calgary, ils s'en sont débarrassés. Tampa Bay donne une chance ils à Martin Saint-Louis. Essai. Puis Chris, il a gagné une Coupe Stanley. Pour lui, à cause de lui, il y a beaucoup de joueurs de petits gabarits maintenant qui jouent. Mais là, c'est rendu qu'il y a comme une la norme. Il y a comme une mode où ils vont dire ah, ben lui, c'est comme un Martin Saint-Louis. Johnny Gaudreau, c'est arrivé ça aussi. Comme des Harnais, Byron, Gallagher. Tous des joueurs du Canadien. On pourrait faire un parallèle avec Byron. Ah, ouais, Brière. Brière, ils en ont parlé aussi. Brière. Mais pour le reste, c'est à cause de lui. C'est lui qui paye. Il est parti un peu. Il a ouvert la porte au petit gabarit. Ouais, puis après ça, c'est quoi la deuxième saison? C'est John Tortorella qui a dit tu vas jouer sur le top 6. Ouais, ben c'est on a posé ce qu'on veut de John Tortorella, mais Martin Saint-Louis a beaucoup de respect pour lui, puis ils ont gagné une coupe ensemble. Yep. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'était bon, ça. Fait qu'il reste juste deux sujets. Il reste trois. Ouais. Mais mieux développé, Calis. C'était quoi? C'était plate? Ben non, c'est intéressant, ça. Voyons. Non, mais je veux dire, les sujets sont là. J'ai pas dit que t'étais plate, mais je veux dire, c'était ben trop gentil. Là. C'est comme... Ben, c'est correct. Félicitations, Martin. Qu'est-ce que tu peux dire contre Martin Saint-Louis? Non, mais Chris, faut bien chialer un peu. Pourquoi? Il va y avoir des call-outs tantôt, là, sûrement. Ah, OK, OK. J'espère bien. Probablement. Tu vas-tu coller out des harnais? Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Tu veux-tu caller out sa blonde qui passe à trois bières? Non. T'as dit non comme mon gars. Ouais, ils m'ont demandé si on avait des scoops, des potins sur des harnais à dire ou des affaires à savoir. J'ai dit non, c'est un petit joueur, puis c'est tout. On l'a dit, j'ai des affaires mettre en guette. Non, mais j'ai dit, tu sais, Denis Coderre l'a renvoyé au mineur. Mais c'est à peu près la seule affaire qu'il a à dire sur lui, puis il est petit, puis qu'il sort du stand. J'espère qu'ils vont pas dire ça à elle. Genre, hey, c'est-tu vrai, là, non, mais, Coderre? Non, mais il n'y avait rien à dire. Elle est enceinte, elle-là. Hein? Ouais, ils attendent un petit. Hey, je te dis. Hey, il va naître aux States. Il attend un petit. Il y a bien des chances qu'il naître aux States. Naître aux States. Naître aux States. Il va naître aux States. Il va naître aux States. Il a été changé. Ah, OK. Ouais, où il va éviter dans un camp. Il va jouer à Vegas. Il va naître à Vegas. Et voilà. Pourquoi on parle de ça? À côté d'une machine à sous. Pourquoi on parle de ça? Non, on a fait un de plus, là. Oh. OK, on a juste parlé de Dernet de même. Hey, on fait du temps. On c'est fait malade. Du temps, c'est quoi, Alex? On fait du temps sur Dernet. Ah, puis bon, on fait du temps. Hey, on fait il est du toujours sur le sujet. Non, Dernet, c'est un gars d'actualité. Ben oui. Dans Trendy avec des bretelles et des petites lunettes. Ben ouais, le mannequin de M2. Genre, porte-tu un nœud papillon? Mais dernier, ben okay, on a pub de M2, oui. OK, who cares? Pub de M2. Prochain sujet. Marc-André Fleury pourrait être échangé ou voir son contrat racheté par, cet été par Pittsburgh. Ça racheté, fait combien de temps que t'as écrit ça? Parce que pour le reste, je pense plus maintenant. Je pense que ça fait une semaine, c'est Darren Dreger qui avait déclaré ça. Matt Murray est vraiment... Je pense pas qu'il va... Hein? Matt Murray, vraiment, il tank. Ben il connaît une bonne séquence, Matt Murray. Il a gagné deux games de suite. Pittsburgh, ça, man, c'est toute une séquence. Ça, c'est toute ouais, mais tu sais, c'est parce que ça fait même pas une semaine d'être ça. Il y a des moins bonnes stats que Fleury. Il y a une séquence de deux games. Murray? C'est pas mal la base d'une séquence. Ils ont vraiment un beau problème. Parce ben, que... moi, je sais pas. Moi, je me fie. Ben, les joueurs, ils l'adorent. Les gars à l'intérieur du vestiaire, ils veulent pas. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'avec Pittsburgh, avec des gars comme Crosby, Malkin, puis le temps, qui ont des très gros contrats. Puis Phil Kessel, là, l'affaire avec Marc-André Fleury, c'est qu'il coûte 5 millions par année. Fait qu'il faut que tu aies une décision. Là, tu vas protéger qui? Puis Murray, mais... semble ouais, mais le problème, c'est qu'il reste combien d'années à son contrat? Puis ils vont être obligés de le racheter, j'ai l'impression. Ah, d'après moi, ah, il doit non, rester il l'échanger. Hey, man, pour le reste, si je l'échangerais, Winnipeg, il cherche un goaler. Jimmy Howard est sur le bord de revenir. Ah, Winnipeg, t'as dit. Excuse, pendant ma tête, c'était Détroit. Il parlait peut-être même de Saint-Louis parce que ça a l'air que Jake Allen ne fait même pas le travail. Ah, le Chris. Ben, ouais. Chris. Ben, ouais, ouais. Saint-Louis, ouais, il est sur le chopping block. Là. Ça, les trois dernières games, Saint-Louis, le goaler, ça fait tant. Sauf l'affaire avec Saint-Louis, c'est que la dernière fois qu'ils ont été chercher un goaler pour les playoffs, ça a mal tourné avec Ryan Miller. Mais en même temps, je veux pas ramener le sujet sur le feu, là, mais. Ouais. Alak, il est dans la Ligue américaine, puis les deux goalers à New York aux Islanders, ils font. Fuck off. Ouais, mais Thomas Grace, il a fait un blanchage hier. Thomas Grace, bad. Mais oui, mais ça, c'est comme la bonne séquence de deux games de Matt Murray. Mais oui, mais son TP, ils sont TP. On s'entend-tu que le meilleur goaler des trois, c'est probablement Alak quand même? Là. Pas cette année. Overall. Overall. Sur papier. Sur papier. Selon son agent. Non. Bon, David, il s'est passé. Il y a eu comme plusieurs tentatives. Il y a eu comme un... Non, faut être dans la cuisine, Dave. Ah, ça va s'opérer, ça sent la narine, ça pique un petit peu. Il y a eu comme un silence de deux secondes dès qu'il a craché sa bière. Ça a juste coulé un peu. Ça a même pas coulé. Ça a même pas... prochain sujet, les Islanders congédient leur entraîneur Jack Capuano. Ouais. Avec sa photo de Fred Caillou, là, sur notre site. Que j'ai trouvé ça par magie. Ouais, pour vrai, ah, c'est ça, magique, cette photo-là. Ben, c'est chier. Là... Mais ça me surprend qu'il est resté longtemps, là. Oh, non, mais Chris, c'est donc coaché, là. Ben, ce que ça veut dire, ce move-là, premièrement, je pense que ça vient du président. Ça vient pas de Garcino, puis Garcino est out. Garcino est parti, man. Tu penses que c'est du support? Ah, ouais. Moi, je pense pas que c'est la décision de Garcino de faire ça. Moi, je pense que ça vient d'annoncer qu'il est out. Ben, toute la gang est out. Doug Wade, Garcino, Capuano. Ouais, mais c'est ça, mais Doug Wade, il l'a remplacé par intérim. Mais j'ai comme l'impression. On pourrait-tu penser peut-être qu'un gars comme Gérald Gallant pourrait se retrouver là? Ouais, mais pour. Gérald, que toute la gang. Gérard. Mais c'est ça son nom, c'est pas Gérald? C'est pas Gérard. Gérard. OK, Gigi. Non, Gigi. Gigi pourrait se retrouver peut-être avec la Islanders. Puis j'espère qu'il va faire un move parce que... Puis l'affaire que je me posais comme question, je sais pas si vous pouvez me répondre, là. Quel move? Il n'y a pas de move à faire avec la Islanders, man. Ben non, mais je veux dire, quand aller chercher le coach. Quand JF parle, il était question d'un move quelque part. Aller chercher le coach. Quelqu'un se fait échanger. Okay. Vegas, là, c'est quand qu'ils ont le droit d'engager quelqu'un comme pour derrière le banc, là, un coach, là? Vegas? Juste. Vacances. Ils peuvent-tu le faire là? C'est ce règlement-là. Ah, si, c'est du niaisage. Je suis pas ça pendant tout. Qu'est-ce qui aurait été simple, là? J'ai pas ajouté d'équipe. Mais il faut. Ouais, si on en veut une, ça va prendre. C'est important pour les gens. On en veut pas! Mais j'en veux une. T'en veux une? Pourquoi? On a déjà plus de teams de notre bord que de l'autre. J'en veux une à Québec. Toi, tu veux les Non, mais je veux Caroline qui s'en vienne. Ben voilà, c'est un déménagement. Ça va en prendre un 32, là. Ça va prendre une équipe dans l'Ouest. Parce que ramène une 32e équipe dans l'Ouest. Donc tu mets une 32e équipe dans l'Ouest. Non, ouais, t'as pas parce que t'es déjà pas égal. 16, c'est la formule de la NFL. Exactement. Hey, wow, ça, c'est des bonnes stats. On a-tu besoin de suivre la formule? On a déjà fait un bye week, là. Oui. Honnêtement, il y a trop. Oui, on suit la NFL, on fait un bye week. Il y a trop de teams dans, NFL, dans hein? NHL. La semaine de relâche? Non, j'ai pas noté ça. Ah, 32, c'est vu qu'on est sur le. Trop, Alex, vas-y. Il a mis ça sur la table direct. Là. Vous saviez qu'il y avait une semaine de relâche? C'est dégueulasse. Par ça équipe, toute la NHL. Patente, ça, il y a deux écoles de pensée que j'ai pu voir. Il y a Mike Babcock. Attends. Quoi? Ils vont avoir une semaine de relâche. Par équipe. Chaque équipe a 5 jours de congé. Ouais. C'est nouveau, ça? C'est pour ça que ça fuck toute la règle, ils ne peuvent plus s'entraîner. C'est pour ça que les Blues ont joué tant de games. Ça commence quand, ça? C'est varié selon les équipes. Pittsburgh l'a eu en janvier. Les Canadiens vont l'avoir du 13 au 18. Il n'y a pas de game, cette game-là. Pas de game, pas de pratique. 5 jours de vacances. Pas de pratique. C'est un bye week. Pas d'entraînement. C'est un bye week. C'est bien weird, ça. Ben, si tu donnerais le choix des joueurs aux joueurs. Ben, c'est sûr que ça va être bien. Non, mais les joueurs, il y a des joueurs qui aiment ça, mais la plupart des joueurs n'aiment pas ça. Parce que ça fait que tellement l'horaire est tellement condensé que tu perds vos chances. C'est pour ça qu'il y a eu je ne sais pas combien de games en deux soirs, les vendredis puis les samedis, puis qu'on a vu Montoya jouer des games. Il y a eu la Coupe du Monde. Pour ça qu'il n'y a pas de pratique. C'est pour ça que Montoya goal le vendredi. Mais c'est bien la merde, cette affaire-là. Friday Night Montoya. Puis l'affaire qui est arrivée aussi avec cette affaire-là, c'est que ça a été décidé par la NHL. C'est eux qui ont décidé du calendrier. OK, ben toi, tu sais, cette semaine-là, toi, c'est ça. Moi, je pense que ça a été décidé par, je sais pas, moi, la NHL. C'est que les Blues ont comme. Ben non, mais c'est parce que les propriétaires, ils ont un droit de vote là-dessus, puis les joueurs, l'association des joueurs, tu peux pas décider ça de même comme ça. Propriétaires, eux autres, ce qu'ils proposaient, c'est qu'on va prolonger le congé de Noël, puis on va prolonger le congé du match des étoiles. Comme ça, il va comme avoir 2 semaines de congé, mais au moins le calendrier va être les moins compact. Non. Non, les propriétaires, pas les propriétaires. La NHL a fait ce qu'ils voulaient, dans le fond. Les joueurs ont comme pas eu de mot à dire, mais il y a comme 2 clans. Là. T'as les gars qui sont pour, puis les gars qui sont contre. Les coachs trouvent ça tough pour les joueurs parce qu'il y a plusieurs blessures. Là, on il y a pas d'indécis là-dedans. Automo, ça me dérange pas. Ben, comme moi, je me prononce pas. Pacheco, lui, dans le fond, ils ont comme posé la question à Pacioretty là, pour dire qu'est-ce que tu penses de Babcock. Lui, c'est un hostie de mouton. Là. C'est sûr, il a dit moi, mais moi. Ah non, mais c'est l'association des joueurs dans la convention collective qui a demandé ça. C'est dans la convention collective. C'est dans la convention collective, oui. Ça, c'est sûr. Sauf que là, dans le fond, il fallait qu'il le faire éviter à 4 parts dans le calendrier, puis la Ligue a décidé, bon, ben, garde, on va comme Bastos. Ça va donner un bye week à toutes les équipes. À partir du 1er janvier, ça va être un bye week, mais c'est pas qu'est-ce que ça fait, là? C'est que les Bruins ont 6 matchs de jouer de plus que Toronto. Ben, c'est fou. C'est là. Dégueulasse. Présentement, c'est fou, Toronto ont 6 matchs en main chez les Bruins. À cause de ça? C'est beaucoup. Là. Tu vois, il y a 2 des fois, gros max. 6 matchs. On vient d'arriver à moitié de la saison. C'est comme, ils ont joué 6 matchs de plus. C'est vraiment bizarre. Puis les coachs, ils se plaignent. Les coachs, ils se plaignent. Qu'est-ce que c'est? Comme, c'est vraiment bizarre. Après une grande explication, c'est bizarre. Les coachs capotent. Excuse-moi, Malette, là, mais je sais pas quoi dire. Non, mais plus, c'est ta réaction était priceless. Non, mais c'est à cause de ça qu'on n'a pas de pratique. C'est à cause de ça, comme, tu sais, mettre Galchenyuk en forme, là. Mais ça compte, tu sais. Il n'y a pas eu de pratique d'équipe. Il ne peut pas être pratiqué. Il faut qu'il donne des congés aux joueurs. Il faut que tu retournes ta game. Ah, le morning skate, ça compte pas comme une pratique, mais une vraie pratique, ils ne peuvent plus en faire. Non. Ils en ont comme 3-4. Ben, l'année prochaine, ils vont débarquer ça. Non, l'année prochaine, il n'y en aura peut-être pas parce que ça se peut qu'il y a des Olympiques. Fait que, il n'y aurait pas de bye week. Ouais. Ça irait dans 2 mais l'autre année d'après, c'est vrai, l'année prochaine, c'est une année olympique. Puis on ne sait pas encore si ils vont y aller. Séoul en hiver. Et puis ça passe, ils vont y aller en Corée en hiver. What the fuck is that? Ouais, c'est bizarre. L'air artificiel a les Asiatiques le sont. Ils vont en faire de la neige. Ils sont capables d'en faire de la neige. Ils font tout. They do everything. Six mois à faire de la neige. Les Coréens, ils sont capables de tout faire. Eux autres vont faire de la neige. Tu veux des sports d'hiver? Amène ça ici. Vous n'avez pas de neige. On va en faire. C'est ce qu'il y en est pour ils vont aller. La semaine relâche ou le bye week. Puis le dernier sujet, la liste des joueurs invités au match d'étoiles. Les affaires de descente au Japon. Tu veux vraiment parler de ça, JF? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le fond, c'est parce les que. Les joueurs invités au match des étoiles. Je voulais, dans le fond, je voulais comme mettre le Price pour parler va s'y aller. Mais moi, j'espère qu'il va. Ouais, pas. Il est capitaine. Pourquoi il irait pas? Mais moi, j'espère s'il qu'il va. S'il va pas, il va être suspendu. Une game. Non, il peut dire qu'il est blessé. Une game. Non. Ben, s'il est blessé, dans le fond, il y a faut Crosby soit... est arrivé quoi? Puis t'as pourquoi il est pas? Non, s'il dit qu'il est blessé, il faut qu'il soit sur la liste des blessés. Ouais, ouais. Il 3 matchs. Ouais, c'est ça. Fait que puis si tu y vas pas, il est suspendu une game. Tu peux pas dire, tu peux pas y aller parce que tu veux te reposer. Fait que tu fais suspendre une game. Tant qu'à ça. Fuck that. Non, mais en tout cas, il y a deux écoles à passer là-dessus. Fait que c'est vu mais il mérite-tu vraiment d'y aller avec une moyenne de 8,90? Hey, c'est rare en esti qu'on va dire. Hein? Hey, avec un il a été voté par les c'est rare qu'on va dire, mettons, il y a 3 ou 4 écoles de pensée. Là. Ah, deux, j'ai dit. C'est deux. C'est deux. Fait que pour ceux qui vont lire. C'est une expression. Je sais que c'est une expression, Calis, sinon tu l'aurais pas dit. Vas-y, Pour ceux qui vont écouter le match des étoiles, vous allez même pouvoir penser quelle équipe pourrait peut-être gagner. Là. La division Atlantique, qui est notre division à nous autres, là, c'est Carey Price, Tuukka Rask, Victor Hedman, Shea Weber, Erik Karlsson, Franz Nilsson, Nikita Kucherov, Vincent Trocheck, Anston Matthews, Cal Okposo et Brad Marchand. Man, nos attaquants sont de la merde. Mais par exemple, c'est une crise de défense. On a laissé défensive des bons goalers, mais notre attaque est comme. Kucherov, Trocheck, Matthews, ça pourrait être bon. Le match des étoiles, c'est pas un match de goalers. C'est un match offensif. Les goalers, ça sert à rien. Qui mange la merde, Lou Giroff. Metropolitan vont gagner. Metropolitan, c'est sa division de Crosby, Sergei Bobrovsky, Brandon Oldby, Shea Weber vient de compter, Justin Falk, Ryan McDonough, Seth Jones. Il a comme fait un petit chien au beurre, il est compté. Ouais, c'est 2-1 Montréal. Ah, OK. En fait, il y a peut-être de la game. Tabarnak, c'est comme si ça mélangeait. Hey, live from New York. J'ai même pas compris ce que tu as dit. J'ai dit chez Weber à compter. Oh, tabarnak, j'ai compris chez Auburn. Chez Weber à compter. Je pensais que c'était allais chez Auburn parce qu'il avait pris sa retraite. Là, je vais reprendre ce que j'ai laissé. Donc, Crosby, Bobrovsky, Brandon Oldby, Justin Falk, Ryan McDonough, Seth Jones. T'as pas pris que t'as recommencé. Evgeny Malkin, Alex Ovechkin, John Tavares, Wayne Simmons et Taylor Hall. Ça, c'est solide. Puis en goaler, ils sont forts. Taylor Hall. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est parce qu'il faut qu'il y ait un représentant par club. Les deux meilleurs goalers présentement. Il aurait pu envoyer Santino. À part Dominic. Ils ont deux bons goalers. Deux des top 5. Bon, la division centrale, capitaine Piqué Subban, qui devrait sûrement y aller parce que justement, il revient, Piqué ce, revient soir. Ce soir. Devin Dubnyk, Corey Crawford, Ryan Suter, Duncan Keith, Patrick Kane, Jonathan Toews, Tyler Seguin, Vladimir Jonathan Tarasenko, Taze. Patrick Laine, que je pense pas qu'il va y aller. Là. Et Nathan MacKinnon de Laine. Hey, j'ai dit pas que... C'est sûr qu'il ira pas. Le tweet qui a passé, là, c'est Eli Lagadaille. Eli Lagadaille. Ah, c'est quelqu'un qui a aimé un de nos tweets. Ce gars-là, il nous suit sur Twitter. Ouais. Hey, pas là, shout out, man. Si on t'entend tout le temps sur Twitter à 91.9 aussi. Ouais, bah ben ouais, man, ce gars-là, man, il tweet tout le temps. Il a aimé notre pic. J'entends tout le temps, il a la gueule. Hey, man, fuck, il va signer toi. Fait que Patrick Laine, d'après moi, il va sûrement être échangé par, moi, je pensais peut-être par un gars comme Mark Shifley, d'après moi. Alors, disons Pacifique, Connor McDavid, Martin Jones, Mike Smith, Cam Fowler. Ça prend des coyotes, man. Il y a pas ça fait dur en crise. Ouais, mais ça en prend un, man. Il aurait pas invité Boudaille. Hey, non. Je suis même pas pour eux autres. Cam Fowler, Brett Burns, Drew Doughty, Ryan Kessler, Johnny Gaudreau, Jeff Carter, Bo Horvat. Hey, hey, hey, Joe Pavelski. Petite parenthèse sur Brent Burns. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il est dégueulasse, Brent Burns. Mais ben oui. Il est cinquième, je pense, meilleur pointeur de la ligue. J'ai dans mon pool. Ouais, c'est fou. Là. Ok, je pense que ça va être son look. Non, ben oui, on le sait, là, mais il est cinquième. C'est un six joueurs. Pour enfin, il est comme dans le top 5, 6. Là. Avec tout ça, les boys, là, c'est meilleur pointeur de la ligue. Ouais. Et en passant, c'est 3-1 Montréal. Métropolitain, qui a compté? Qui a scoré le quatrième but? Alex, on nous disait ça pendant le quatrième but. Non, j'allais pas. On s'entend. J'ai une savoir chier. Ah, si tu veux faire affaire avec Rodgers. Ben Alexander Radulov. Pacho a compté, c'est 3-1 Montréal en troisième période. Fait que mon plus va à Pacho Ready. Yeah. Fait que l'appareil est fini, le podcast est fini, mais il reste. Bon, les call-outs à Jeff sont de retour. Fait qu'on va partir la tune, on va mettre Jeff son call-out. T'es proche de moi. Là, je vais y aller de manière plus pacifique parce que je vois que le cœur était émotionnel. Moi aussi, j'étais émotionnel. Le monde sur Twitter veut que tu ailles de caller out les journalistes, des harnais. On dit émotif. Les blogueurs. Ouais. Bon, en tout cas. Là, il y a des gens qui me suggèrent de caller out Price. Il y a du monde qui me suggère de caller out. Tabarnak, qui ça, man? J'ai donné mon moins, c'est déjà assez. Là, je vais caller out le monde. Je t'inclus pas là-dedans. Qui parle contre Price. Ceux qui sortent des théories sur Price. Il est blessé. Tabarnak, man. Il est blessé. Si, avec tout ce qui est arrivé l'année passée, penses-tu vraiment que l'organisation laisserait jouer Price blessé? Ben non. Fait qu'on peut-tu mettre ça de côté? Toutes les gens qui parlent des théories. Il y a même un journaliste qui joue une mauvaise game puis il est blessé. Tout le monde a droit à un slump. Sidney Crosby a un slump l'année passée. Tout le monde disait qu'il était fini. Il a gagné la Coupe Stanley à la fin de l'année. Eric Lundqvist connaît un slump cette année. Il a le droit. Puis il faut espérer que ça va aller bien jusqu'à la fin de la saison. Excuse-moi, manque tout. Je m'en sers roté. Alors là. Il y a un journaliste qui a mandé à Carey Price. Il lui a demandé que les buts rentraient tous du côté du blocker. Et Price l'a regardé. Puis il a dit: tu penses-tu que je devrais plus pratiquer ce bord-là. Silence total. Ah, c'était chien, ça. Comme... C'était épais. Mais c'était chien comme question, puis il a répondu comme il faut. Ben, oui, il a Price, répondu comme Price, faut. Il est bon pour répondre. On va laisser le faire son corps. Il est vite. Fait que tout le monde qui parle... Le gars, là, il a le droit de connaître un slump. Ça l'arrive à n'importe qui. Oui. L'important, c'est qu'on gagne les games en série. On va se rendre là, puis on va jouer comme on se doit de Mallette, jouer. Oui. On va dire comme on dit. On va tout arriver à Noël en même temps. Et voilà. Puis le monde qui chasse sur Michel Therrien, là, puis toutes ces cochonneries de commentaires, là, calmez-vous, calice. Vous êtes pire que le monde, esti, qui chasse sa politique, puis qui suit même pas ça, esti. À un moment donné, là, il n'y a pas juste les lignes en caractère gras qu'il faut lire, là. Il faut écouter le hockey et non le regarder. Alors, à un moment donné, les fafans, là, au lieu de chialer, moi, si je serais vous autres, là, ouais, j'aimerais m'instruire. Allez vous instruire. Lisez. Écoutez le hockey, regardez des vidéos, apprenez ça. Regardez comment ça se joue. Bon. As-tu déjà goaler, mais toi? Non, faut pas. T'as-tu été déjà un goaler, toi? Si tu l'étais pas, là, passe à autre chose. Toi, là. Toi. Toi qui nous écoute et qui nous regarde. Line. Cause, déjà je suis un peu déçu parce que t'as pas comme gueulé un peu. T'es pas un journaliste, faut-tu call? T'en as-tu un meilleur? Non, c'est tout ce que j'avais à dire, honnêtement. Non, j'ai pas de journaliste à call. C'est trop poli, esti. Je m'entends un pétage de coche. T'es lovers, c'est déjà. Je veux un pétage de coche. Mais est-ce que quelqu'un voulait que j'envoie chier? Malade, il donne une bonne passe depuis tantôt qu'il se bécote avec Alex. On s'aime un peu quand même. Ben, vous l'aurez eu. À soir, on a quand même des chums. Des fois, on n'est pas d'accord, mais à soir, on est d'accord. Vous l'aurez eu facile, les blogueurs. T'as pas Hockey 30 à call les hâtes encore? Ah, oh ben là, Hockey 30, ben c'est de la merde. On peut dire juste Hockey 30. Trop facile. Hockey 30 qui sort. Trois noms de joueurs qui viennent chez le Canadien, ça a l'air, en 20 minutes. Ce gars-là est bipolaire, hein? Ou je sais pas quoi. Hein, comment? Il a fait comme des rumeurs sur trois joueurs qui s'en allaient sur le Canadien en 20 minutes de publication. Ça en venait chez le Canadien? Ah, tel joueur, ça en venait. Tyler Seguin, genre Canadien, des joueurs intéressés, ouais, tout ça. Là. Non, mais il s'en vient en 20 minutes. Comme, hey, le gars publie 28 à 5 par bon compliqué, c'est que du clickbait. Puis... Je peux pas croire qu'il y a encore du son... monde qui catche pas que c'est que du clickbait son affaire. Plombe. Moi, je le lis même pas. Je le check même pas. Je sais même pas de quoi tu parles. Je regarde vraiment pas souvent. Il y a sexe masculin aussi qui fait comme ça. Ah, c'est quoi le nom du président? La question, hein? Non, je m'en souviens pas. Il a fait un autre site. Tu veux pas le dire? Non, je me rappelle pas pour vrai. Non, mais... On l'a cherché. De toute façon, son nom n'est pas important. Puis si tu dis trois fois, est-ce qu'il se passe absolument... Il va apparaître dans la pièce, on le dit trois fois. Bon, c'est, fait que c'est ça qui arrive. Si tu dis trois fois, il c'est Candyman? Ouais, Beetlejuice. Hey, c'est le bonhomme Satan. Fait que c'est ça. Dans le fond, mon collard, c'est juste une communauté de personnes qui chassent le Canadien. Chris, à un moment donné, 82 matchs, ah, mais ça, matchs, il va toujours n'avoir. Je sais, mais c'est parce que 82 matchs, c'est long, puis à un moment donné, il faut être compréhensible. Imagine au baseball. Ouais. Hein? Imagine au baseball comment c'est long. C'est ça, mais regarde. On se part un podcast de baseball. Ouais, Jose Bautista, what a bad signing. Hey man, il fait, je veux 18 millions. On va voir toutes les équipes. Personne ne veut lui donner 18 millions. Bon, les Blue Jays, Jays il donne. Okay. What the fuck? Bah. Tout le monde t'a dit non, man. C'est comme, je vais t'en donner 10. Il est correct. C'est comme, ben moi, je vais t'en donner ton 18 après que t'es magasiné par fucking baseball. Est-ce que je vais juste dire comment t'as. Hey man, là, tu viens de me perdre ça, Lynn. Est-ce que c'est un joueur fini, Collis? Il est trop vieux, Bautista. Je sais c'est qui, Bautista. Fini, c'est trop. Fais pas ça 18 millions, Carlis. Je connais, connais Batista, mais je sais qui Batista. Ouais, ouais, bat flip. Là. Ouais, le gars qui s'est punché sa gueule. Ouais, c'est juste que j'aime le plus parce que la calotte, elle lève. Il y a eu un hostie de hit pareil dans sa mâchoire. Ah ouais, ça vient le pire. Ça, c'est un knockout punch. Ah, ben, c'est ouais, c'est fou, il est resté debout. Il a swingé comme une mouf. Oh, mais il devait être knockout. Tu viens de dire un knockout punch. Il me semble qu'il y a une petite voix aiguë, ce gars-là aussi. Je vais tromper dessus. Oh, là, il est dégueulasse. Il a sûrement une voix. Puis il zozote un peu. Ah, pour vrai. Dano, il zozote un peu. Ouais. Dano? Anyway, man. Je l'aime pas. C'est ça qui est ça. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Ben oui, soyez présents. Ouais. C'est tout ce qu'on a dit cette semaine comme conclusion. Ben oui, Chris, ça finit bien. Raven SS, Monsieur Milwheat. Suivez notre page Facebook, puis on va vous dire si on va voir Slapshot au Weekly Fest. J'allais dire que t'as rien, Thomas des Étoiles. Ben oui, c'est haters. Haters! Et voilà. Fuck y'all! Fait qu'on se revoit dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. Ciao!